Et bonsoir, bienvenue sur la petite pause JDR afin de vous retrouver pour une nouvelle émission de DO et Débat. Ce soir, nous allons parler d'un sujet fort intéressant. Je ne dirais pas délicat, mais difficile à aborder. Hein. C'est-à-dire que le jeu de rôle serait-il un outil catharsis au sens aristotélicien du terme. Est-ce que jouer un rôle permettrait de purifier nos passions, ou encore est-ce que le jeu de rôle nous permettrait de nous sentir mieux dans notre peau? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre ce soir. Avec moi, pour répondre à cette question, hein, j'ai déjà Groby. Hein. Bonsoir Groby. Bien le bonsoir, Ocean. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, hein, d'où est-ce que tu nous viens? Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis rôliste depuis un petit peu plus de 20 ans maintenant. Auteur, il fut un temps, et ça va revenir, de JDR amateur. Néo-blogueur, et après je suis aussi professionnel en santé psychologique comportementale. Et certains m'ont peut-être vu pendant la cyberconvention le dimanche 5 avril où j'ai animé une table sur le sujet de l'humain. Et où est-ce qu'on peut te retrouver Et on peut me retrouver du coup en tant que néo-blogueur sur un petit blog groubilisme.net, il me semble. Il y a une page Facebook aussi. Donc voilà, pour quelques petites ratures et de la vulgarisation. Voilà, c'est tout jeune, c'est tout beau. Ok, merci. Ramos, également Ramos qui est là. Bonsoir Ramos. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je me présente ou j'attends que tu poses la question pour me présenter. Mais vas-y, tu peux te présenter, je t'en prie. Alors, donc je suis Ramos. Je suis rôliste depuis une trentaine d'années. Un tout petit peu plus. On peut me voir, m'entendre plutôt sur le podcast chaîne YouTube Feuilleton Rolifonique, maintenant juste Rolifonique. Et mon camarade qui se présentera après faisait partie du casting de la première saison. Et pour ce soir, là, je vais aussi avoir un peu la double casquette. Donc, je suis comédien professionnel aussi depuis une vingtaine d'années. Et dans ce cadre-là, j'ai aussi animé beaucoup d'ateliers, notamment d'improvisation. Et évidemment, ce qu'on va dire sur le jeu de rôle pourra très souvent s'appliquer au théâtre d'improvisation, au théâtre en général, ou au théâtre d'improvisation plus en particulier. Et je suis également démonstrateur à l'association Le Manoir du Crime à Montpellier. Ce qui me permet de croiser vraiment beaucoup de publics rôlistes différents. D'accord, eh bien merci. Également Craig, Greg qui est là, pardon. Hey Craig. I'm Craig, so I'm from America, yeah. Merci Alshad. Je t'en prie. Donc Greg qui est là, hein. Bonsoir Greg. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis Grégoire, je suis... réalisateur et co-présentateur de l'émission Icosaèdre sur YouTube, qui est une émission très active, comme vous le savez tous. Sinon, à part ça, je suis rôliste depuis pas mal d'années, MJ un petit peu, par intermittence, on va dire. Et dans la vie, je suis photographe, et notamment photographe, là aussi, de l'association Manoir du Crime, dont parlait Ramos juste avant. Et voilà, donc effectivement, là aussi, c'est un lieu où on fréquente pas mal de gens, et c'est intéressant. Donc par rapport à la thématique, bah, ça va plus être par rapport à mon ressenti personnel et à mes impressions, mais voilà. Ok, eh bien merci. Et enfin, nous avons Xen également qui est là. Le meilleur pour la fin. Ben oui. Oui, non, je me présente rapidement quand même. Moi, c'est Xen, vous m'avez déjà peut-être vu sur la petite pause JDR, je passe de temps en temps en guest. C'est moi qui ai fait L5K la plupart des épisodes, mais bon. Moi, j'ai juste 25 ans, je fais du JDR depuis mes 14 ans, et je pense que ça a eu quand même beaucoup joué sur la suite, et je suis juste étudiant en informatique. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Eh bien non, mais ça suffit. Hein. D'ailleurs, bonsoir à tous ceux qui arrivent, hein. Je vois qu'il y a pas mal de monde. Hein. Dudule qui est là, Cécile qui vient d'arriver également... Popacubed également. On leur fait des coucou, bien sûr. Alors, voilà, Dutul, c'est Alexandre, c'est le co-animateur d'Icosaèdre, en l'occurrence. D'accord, ok, ça marche. Et Couillou. Également présent dans la première saison de Rolifonic. C'est vrai. Ah, voilà. Ah là là, il est partout. Il est partout. Et donc, bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce que le JDR peut-il aider à être bien dans sa peau? Ah. Qui veut se lancer? Je sais pas, est-ce qu'on commencerait pas par notre caution professionnelle Mais vas-y, je t'en prie. Hein. Ouvre le bal. Tu veux démarrer ou tu veux que je dise un mot? Ah non, c'est toi la caution professionnelle, c'est pas moi. Alors, par rapport à la question, je veux dire, peut-il aider à être bien dans sa peau? La réponse, si elle devait être une réponse un peu catégorique, oui, non, je dirais oui. Il faut, je reviens un peu sur ce que disait Olshad en introduction par rapport à l'effet cathartique que peut avoir le JDR. Donc, pour le coup, référence professionnelle, on va faire la minute intello. Donc, la catharsis, juste petit rappel, hein, c'est un terme qui nous vient d'Aristote, philosophe 4e siècle. Lui, il était disciple de Platon, Kilium était disciple de Socrate. Donc, Socrate, on fait le lien très rapidement avec toute la question socratique, la mise en abîme, la réflexion sur soi, tout ce qui va être en lien avec la psychologie après plus tard, tous les liens qu'on peut faire. Et donc, en fait, la catharsis, c'était pour Aristote, l'idée de, quand on est spectateur d'une tragédie, donc d'une représentation théâtrale plutôt dramatique, le fait de voir des personnages qui vont vivre des histoires, ressentir des émotions, à qui va arriver des choses plutôt dramatiques, nous pousse d'une certaine manière à ne pas vouloir le vivre nous-mêmes. Et donc, du fait, ça nous purge d'un peu de nos émotions et de nos passions, en fait, de tout ce qui va être l'inverse de la vertu. Et du coup, ça nous préserve vers plutôt des comportements, des pensées, des émotions plutôt positives. Donc, l'idée, c'est que en étant spectateur d'une tragédie, donc de quelque chose, il y a un effet moralisateur. Et du coup, on se dit, j'ai pas forcément envie de me faire casser la figure ou d'avoir ma famille qui se fait détruire par des accusations, être frappé d'anathème ou quoi que ce soit d'autre. De fait, je vais me préserver de ça par justement un comportement et des pensées qui sont plutôt bienveillantes envers la société. Donc voilà pour ce que c'est que la catharsis, très simplement. En psychologie, après, c'est quand on avance un petit peu, il y a les méthodes cathartiques. Donc, on va arriver, pour le faire, encore une fois, de manière assez vulgaire, assez simple, avec Breuer. Donc, c'est en même temps, on va avoir aussi de la participation de Freud, notamment. Donc, ils vont l'utiliser pas mal aussi sous forme hypnotique. Donc, l'idée, en fait, c'est d'amener des patients à revivre des expériences de vie, donc à revivre, en fait, des blessures traumatiques, émotionnelles qui ne sont pas forcément agréables, pour pouvoir, justement, avec maintenant un recul, puisque le temps a passé, pouvoir s'en libérer, avoir une autre vision en fait de cet effet-là, et justement changer peut-être des comportements, changer des croyances, changer une vision, et en fait aller mieux. Donc il y a toute cette réflexion sur les méthodes cathartiques qui vont se faire. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en lien. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans par rapport le lien avec le JDR, c'est ce qu'on va retrouver en fait, c'est l'émotion. Et ça me renvoie sur ce que disait Ramos. Dans le théâtre, parce qu'on a aussi de l'émotion, par rapport à Xen, qui dit bien, je suis juste étudiant en informatique et c'est tout. Tout rôliste, il me semble, en tout cas, moi, c'est mon expérience personnelle du jeu de rôle. Quand on a une espèce de mise en abîme, on va avoir envie, justement, de se fondre dans l'ambiance, dans l'univers, et il y a des émotions qui vont arriver. Mmh. Et le cerveau va, lui, en fait, intégrer ces émotions, qu'elles soient virtuelles ou réelles, pour lui, elles existent. Et par rapport à ça, aujourd'hui, maintenant, il y a quelque chose de très, très intéressant qu'on voit avec la VR, avec tout ce qui est les phénomènes de réalité virtuelle. C'est juste pour amener le fait que quand le cerveau intègre une émotion, peu importe la nature, qu'elle soit vécue dans la réalité ou qu'elle soit issue en fait d'une virtualité, comme quand on regarde un film, comme quand on lit un bon bouquin, comme quand on est submergé d'émotions par la prestation d'un acteur, l'émotion, elle est réelle. Du coup, on en tire quelque chose forcément de réel pour nous-mêmes. Donc forcément, il y a un impact sur qui on est, sur ce qu'on va apprendre en fait du jeu de rôle dans sa pratique. Donc, être bien dans sa peau à travers le jeu de rôle, c'est peut-être possible. D'accord. Bah, bel exposé déjà pour commencer, hein, c'est clair. Hein. comment ça vous fait réagir, vous, les trois autres? Alors, Si je peux intervenir, moi, bon, la philo, je me suis arrêté à Diogène, donc là, tu me parles de grands philosophes. Mais oui, c'est très intéressant, et surtout, en fait, on a tous envie d'avoir une sorte de vertu, c'est ce que je comprenais sur la partie où tu parlais justement de la pièce de théâtre qui ferait réfléchir les personnes, et justement, dans les parties, justement, il faut avoir ce sens aussi de la vertu, ou ce sens d'être sensible, pour justement avoir ses émotions. Si quelqu'un est insensible, ça serait un peu compliqué de faire, ne serait-ce vivre que l'aventure. Ramos, tu voulais rebondir aussi là-dessus ? Oui, j'ai pris des notes pendant que Gourbi parlait. En fait, là, je vais faire un petit peu... c'est quelque chose, justement, ça me permet de rebondir. Et je vais directement, je pense, un peu sauter sur le côté de la limite de la catharsis dans ce, cadre, dans ce cas-là. Déjà, en parlant de l'histoire du théâtre, justement, la catharsis a un lien avec le théâtre depuis les Grecs. Mais dès les Romains, on avait peur de la catharsis. Par exemple, à Rome, quand on faisait une tragédie, quand on jouait une tragédie, on avait tellement peur que les gens intègrent les sentiments horribles qu'ils ont vus sur scène, qu'on avait peur qu'ils se suicident en sortant. Du coup, tous les spectacles de tragédie se terminaient par un petit spectacle comique qu'on appelait le spectacle de sortie, l'exodium, qui était fait pour que les gens se soulagent de cette catharsis et ne partent pas se flinguer en sortant du théâtre. Enfin, se flinguer ou se pendre, puisqu'il n'avait pas de flingue. Et en fait, ce que j'en tire comme leçon, c'est une leçon que j'ai beaucoup tirée de mes expériences de théâtre d'improvisation, parce qu'en théâtre d'improvisation, on a régulièrement, en théâtre amateur, on voit un public qu'on peut rencontrer dans des assos de jeux de rôle, c'est ceux qui viennent pour se sentir mieux. Et le danger est là, parce que une assos de jeux de rôle est ou une assos d'impro n'est pas un cadre thérapeutique. Les MJ ne sont pas art thérapeutes, ne sont pas thérapeutes. Moi, je suis prof d'impro, je ne suis pas théâtre thérapeute. Et s'il peut y avoir des effets à la catharsis, ils peuvent être également extrêmement néfastes s'ils ne sont pas dans un cadre contrôlé, notamment par des professionnels. Et ça peut être un peu le danger. Bah, qu'on a vu, justement, c'est la base des grandes affaires qui ont donné l'image pourrie du jeu de rôle dans les années 90. Quelque part, c'était des gens qui étaient des gens mal dans leur peau, qui étaient dans un cadre pas sécurisé et qui ont pété un plomb. Mais ce qui peut arriver dans des tas de, évidemment dans des tas d'activités. Mais donc, ça, la catharsis, c'est très bien, mais il faut y faire attention. Alors après, en plus, je pense que de nos jours, par rapport aux Romains, on est tellement saturé d'informations et notamment d'informations fictionnelles que la catharsis est bien plus diluée qu'à l'époque. Il faut voir aussi qu'à Rome, si on voyait une pièce dans l'année, c'était beau, quoi. Maintenant, avec l'accès à Internet, n'a pas vu au moins 200, 300, 500 films, sans parler des séries, des parties de JDR, etc. Donc la catharsis est quand même bien plus diluée. Et pour faire peut-être une transition, justement, par contre, dans ces histoires de cadres sécurisés, par rapport à des gens qui ont des problèmes, notamment de timidité, de socialisation, on va dire, hein, pour employer un gros mot, justement, le JDR, par le fait qu'on est 4-5 autour d'une table, avec cette espèce, justement, dans les derniers débats, on parlait vachement de rituel, mais de rituel qui donne un espace sacré, sacré au sens premier du terme. Je l'utilise vachement en théâtre, ce terme sacré, ça veut dire... c'est la même racine latine que sécateur, ça veut dire couper du monde. Ça veut dire qu'on se sort du monde et c'est un monde dans lequel les règles ne sont plus les mêmes que le monde réel. Et ben, c'est un cadre de sécurisation qui permet à des gens de se lâcher comme ils ne se lâchent pas dans le monde réel. Et donc, de commencer à faire du lien social qui peut ensuite transpirer ailleurs. Voilà, c'était ma réaction. Eh ben, okay. J'aimerais rebondir là-dessus, parce que je suis en train de réfléchir pendant que... Pendant que Benoît parlait, sur ce principe justement de zone, de safe zone, dans laquelle on peut venir injecter des choses qu'on ne ferait pas dans le monde réel. Et c'est un peu de là que m'est venue l'idée du thème de ce soir, c'est qu'effectivement, dans certaines parties de jeu de rôle que je pratique, je m'en sers beaucoup, personnellement, pour extérioriser des choses que je vais refouler. Que je vais refouler au quotidien, je veux dire, des choses dont je suis conscient dans ma personnalité, des choses, des défauts que je vais avoir, des choses que je ne vais pas aimer, ou des choses que je ne vais pas assumer que j'apprécie parmi certains aspects de ma personnalité. Et le jeu de rôle me permet effectivement de, du coup, de bah, comme c'est quelque chose que je vais refouler au quotidien, c'est quelque chose qui va avoir un effet néfaste peut-être sur ma santé mentale. Et le jeu de rôle permet justement bah, de relâcher ça, et en quelque sorte, moi, je le ressens vraiment, c'est quelque chose qui m'apaise. C'est quelque chose qui m'apaise beaucoup dans ces éléments-là. Mais juste pour revenir, le jeu de rôle peut-il aider à être bien dans sa peau? Ça dépend. Parce qu'effectivement, tout simplement, le jeu de rôle est un outil, c'est d'abord un loisir avant d'être un outil, mais c'est un outil formidable pour ça. Mais ça ne remplace pas un professionnel, ça ne remplace pas un thérapeute. Et c'est surtout ça qu'il faut bien comprendre. Et du coup, je reviens sur ce que disait Benoît, c'est qu'effectivement, mais ça peut être un bon guide, un bon outil additionnel, on va dire, mais il faut... Si on veut l'utiliser en tant que tel, il faut le faire dans un cadre qui soit contrôlé, on va dire. À aucun moment, voilà, il faut l'imaginer comme quelque chose qui va prendre la place d'un thérapeute. Il y a, en fait, donc c'est bien parce que ça me permet de revenir sur tout ce qui est l'effet de purge, un petit peu de purification, l'effet purgatoire de toutes les méthodes cathartiques, de tout ce truc-là, en fait, de la catharsis, qu'est-ce que ça fait? Parce que comme on retrouve en fait au cœur de ça l'émotion, il y a forcément des débats et il y a forcément la question de quel est l'effet avéré de la méthode cathartique. En fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qu'on va retrouver, c'est cette espèce de choc émotionnel qui arrive, mais qu'est-ce qui se passe après? Et là, c'est, je rejoins en fait ce que tu dis, Greg, et ce que disait Ramos en même temps. C'est-à-dire que par rapport à qui on est, ce que je retiens, c'est qu'un peu, par rapport à notre identité, on va réagir différemment. Et ça, c'est très, très important. D'être dans un cadre, effectivement, qu'on va sanctuariser l'espace de jeu de rôle, comme on va sanctuariser aussi l'espace de travail avec un patient quand on va être en thérapie ou en accompagnement. Et il y a un cadre, justement, qui nous permet de dire, ben, on va avoir une action, on va aller chercher quelque chose à travers, peut-être, d'une catharsis, mais c'est parce qu'il y a un objectif derrière. Et par rapport au cadre, un petit peu au sanctuaire, au caractère sacré du jeu de rôle, on sait pourquoi on fait du jeu de rôle. On connaît l'intention de la partie de jeu de rôle. Ça va être ou pour s'amuser, ou pour se défouler, ou chacun va y mettre quelque chose. Et c'est en ça où effectivement il peut y avoir cette espèce de danger de dire bon, on va aller toucher quand même à de l'être humain, on va aller toucher à de l'émotion. Et des fois il y a des envolées lyriques, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Si on ne sait pas où on met les pieds et ce qu'on va faire en fait, quelle est l'intention qu'on y met, c'est là où il peut y avoir effectivement danger. Puisque la réponse peut être pour se purger en fait d'une certaine manière et aller bien. Et comme tu le disais, Ramos, ben, d'un seul coup, il y a quelque chose qui va nous choquer. Et au lieu que ça ait un effet bénéfique, ça peut avoir un effet amplificateur d'un traumatisme et donc faire empirer les choses d'une certaine manière. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et il y a quelque chose aussi, là aussi, je fais un parallèle avec les cours d'impro. C'est pas vraiment un danger, c'est plutôt un écueil. C'est si, on va dire, tu es adolescent, tu te sens mal dans ta peau, et quelqu'un te dit « va faire du jeu de rôle, ça aide à se sentir mieux dans sa peau », tu vas prendre les choses par le mauvais bout. J'ai vu ça aussi en théâtre d'impro très souvent. C'est-à-dire, si tu viens pour aller mieux, ça ne fonctionnera pas, parce que tu te trompes d'axe. Si tu y viens pour t'amuser, et que tu vas jouer, et que tu vas rencontrer des gens qui vont devenir tes potes, petit à petit, ça va donner cet effet. Mais c'est pas en le cherchant, c'est un peu, j'allais dire, comme on dit souvent dans les philosophies d'Asie sur la méditation, si tu cherches le calme en méditant, tu ne le trouveras jamais. Tu trouves le calme parce que tu médites et pas l'inverse. C'est exactement pareil que dans n'importe quel sport collectif. Ça ne viendra pas à beaucoup de gens l'idée de « Ah, je vais faire du foot pour aller mieux dans ma peau. Je vais faire du foot parce que j'ai envie de faire du foot. » Et puis, bah, il se trouve que je vais rencontrer des copains, des copines, que je vais jouer, que je vais me marrer, ça va me faire une bande et ça va me socialiser. Si on prend les choses dans cet ordre, ça ne peut être que bénéfique. Mais si on le prend dans l'ordre inverse, on risque de générer de la frustration en fait. En théâtre d'impro, je l'ai beaucoup vu. Des gens qui généraient beaucoup de frustration parce qu'en plus, à force de chercher ça, ils n'arrivaient pas bien à faire de l'impro parce qu'ils se détendaient pas, ils n'arrivaient pas à trouver l'amusement. Du coup, ben, ça augmentait en fait leurs problèmes plus qu'autre chose. C'est pour ça qu'en début d'année, je prenais toujours garde à ce que les gens viennent pour les bonnes raisons. et surtout reste pour les bonnes raisons. C'est important. Il y a Cécile qui nous pose une question, si on a un exemple justement de mauvaise expérience par rapport justement, je pense à ce que tu disais Groby, vis-à-vis du jeu de rôle qui pourrait ou la mauvaise raison. Bon là t'as un peu répondu du coup hein, Ramos, hein, la mauvaise raison qui amènerait au JDR, c'est-à-dire de devenir en fin de compte comme on viendrait chercher une thérapie finalement. Exactement. Voilà, je sais pas si on a répondu à ta question du coup, Cécile, si par rapport à ça, tu n'hésites après, pas à réagir. Peux citer éventuellement des exemples plus concrets, c'est ma campagne principale depuis bientôt un an et demi, donc je la cite à peu près à chaque fois que je parle, mais j'ai une campagne de Game of Thrones qui est masterisée par Dudul, qui est sur le chat là, voilà. Et il la maîtrise avec le respect de la cruauté du monde de Game of Thrones. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses dans la partie qui font que on peut vite se retrouver coincé et même assez cruellement traumatisé par ce qui se passe dans la partie. Et ça m'est arrivé l'année dernière, ça m'est arrivé où carrément après une partie, je me suis retrouvé frustré, mais alors pour le coup c'était plus par rapport au fait qu'il y avait des choses un peu inévitables qui se passaient et que ça me dérangeait parce que j'avais l'impression qu'on avait fait en sorte que ça ne se déroule pas. Donc ça c'est une autre forme de frustration puisque c'est plus par rapport au MJ que par rapport à l'univers. Mais du coup je me suis retrouvé à parler une bonne heure après la partie avec lui pour lui dire que je me sentais pas bien. Je me sentais vraiment pas bien parce que en l'occurrence mon personnage venait de se faire assassiner la moitié de sa famille, trahir par un très bon ami de la famille... ce genre de choses, je vous passe les détails, mais à ce moment-là de la partie, il y avait des enjeux qui étaient très graves, et c'est comme c'est une partie justement dans laquelle je m'investis énormément émotionnellement, sûrement beaucoup trop d'ailleurs, je me suis retrouvé avec... j'étais vraiment pas bien, alors ça a pas duré très longtemps, ça a duré une soirée, et puis ensuite j'ai pris le temps de réfléchir, de faire prendre un peu de recul, de me dire... D'une, est-ce que j'ai bien réagi par rapport à la situation, et de l'autre, est-ce que je m'investis pas trop dans un jeu de rôle? Mais voilà. Et après, bon, j'ai d'autres exemples de gens qui vivent mal des parties de jeux de rôle. Ça, je pense qu'on peut en trouver plein. Ouais. C'est assez trouvable, oui. Voilà. J'ai déjà sur une partie de Donjons Dragons qui était fait un après-midi au Manoir du Crime, un gars qui a pas accepté le fait que les règles fasse qu'au moment il a foncé sur un groupe de gobelins, il s'est fait buter et il l'a pas aimé. Alors que, pour le coup, le MJ n'a fait que respecter les règles, donc c'est encore autre chose. Mais voilà, donc oui, effectivement. Cela dit, est-ce que le fait que le jeu de rôle amène parfois à cette forme de frustration ne peut pas être quelque chose de bénéfique? Je m'explique. Est-ce que, justement, en profitant du contexte sacré, comme tu dis, le contexte de bulle hors du monde qu'est le jeu de rôle, est-ce qu'on peut pas s'en servir pour faire vivre à des personnes des expériences qui peuvent être frustrantes, qui peuvent être douloureuses, je vais pas dire traumatisantes parce que là non, faut pas y aller jusque là, mais en tout cas des expériences qui soient assez dures pour que les personnes puissent vivre une forme de simulation de ces expériences. Et autant une simulation de pouvoir se sortir de ce genre de cadre qui pourrait leur servir ensuite au quotidien. Bah, ça se fait d'une certaine manière, ça se fait en entreprise par exemple. C'est typiquement le genre de truc que tu vois dans des événements d'entreprise pour notamment entraîner les cadres à certaines situations ou même d'ailleurs à Pôle emploi pour simuler des entretiens d'embauche par exemple. Bon, une cohésion de groupe aussi. Ouais, je sais. Ouais. Oui, mais justement, alors c'est dommage quand j'ai pas pu pas penser à les joindre, mais au Manoir du Crime, il y a deux personnes qui maintenant se spécialisent en jeu de rôle orienté enfant-ado, et de plus en plus, il y a des tas de structures qui ont découvert que le jeu de rôle, contrairement à ce qui se disait avant, est un excellent moyen d'aider les adolescents pédagogiques, d'aider les adolescents et les enfants à apprendre des concepts comme la coopération. Puisque le jeu de rôle est par essence un jeu coopératif, sans forcément de gagnant, de perdant. Et la communication, puisque une table qui fonctionne, c'est une table qui communique bien entre les joueurs, on ne parle pas des persos, entre les joueurs et les joueuses. Et pour répondre un peu à ce que tu disais, Greg, je vais citer quelqu'un qui est là également souvent dans les débats. Je pense que pour que tout ce que tu dis fonctionne, il faut en parler avant. En fait, tout ça, c'est comment tu prépares ta partie. Ouais. C'est ton histoire de mec avec le gobelin, c'est sans doute que lui, il projetait l'idée qu'en JDR ou dans un D&D, t'étais un héros indestructible et que lui, il se projetait là-dedans parce que peut-être justement, dans une démarche un peu cathartique, j'extrapole hein, bien sûr, il avait ce côté défouloir de « je veux être un super-héros invincible » et qu'il n'avait pas compris ce qui se jouait en fait, quel genre de partie c'était. Mais sinon, moi, je suis à fond d'accord. J'ai écrit un scénario pour le jeu de rôle Crime qui, pour moi, est exactement ça. C'est un scénar où, en gros, l'enquête est très, très simple, sauf que tu joues des prétirés et les prétirés sont tous des femmes. Toutes des femmes, plutôt, du coup, soyons un peu. Et l'idée, dans mon IS, c'est encore jamais fait, mais ce que je voudrais, c'est que ça soit une partie qui se fasse maîtriser par une femme et jouée que par des mecs. Le but du jeu étant de leur faire sentir à fond ce que c'est que le patriarcat au début du 20e et par extrapolation de nos jours. Dans un cadre donc du coup simulé. Et quand je l'ai fait jouer, alors du coup c'était avec des filles une fois, j'ai eu ce problème d'une joueuse qui était un peu dans l'idée qu'on est une partie de jeu de rôle. Dans une partie de jeu de rôle, on est les héroïnes. Donc, on est un peu badass, donc tout ça, sauf que moi, j'ai joué le monde tel qu'il est, et elle a voulu filer quelqu'un, le mec, c'est vrai, il lui a retourné, et lui a tiré une tarte en toute impunité en pleine rue, elle l'a mal vécu. Parce qu'elle a, on avait mal, et du coup, c'est de ma faute, on avait mal communiqué sur ce que c'était cette partie avant, et d'une certaine manière, qu'elle avait, entre guillemets, un but pédagogique. Donc, on revient sur l'élément qui est très, très important, du cadre, en fait, et de l'objectif, de l'intention, qu'on doit mettre et c'est très très important surtout quand on est dans du JDR comme quand on est en fait avec des amis parce que de toute façon il y a toujours un espèce de cadre informel qui s'installe de lui-même et quand on est avec des amis de longue date ben, on passe un moment pour passer un bon moment et c'est convenu. Maintenant là par exemple comme ce soir avec les autres intervenants, il y en a plein que c'est pour la plupart c'est la première fois que je les vois, pourtant il y a déjà un cadre aussi inconscient qui s'est mis en termes de respect de la parole des uns et des autres, d'écoute des uns et des autres, et on a un objectif commun qui est quand même de passer un bon moment ensemble et d'amener des éléments de réponse pour les uns et les autres, et on a derrière peut-être aussi des objectifs qui sont des objectifs un peu cachés qui nous appartiennent personnellement. Moi je sais que dans ma façon notamment ben, quand je vais parler de jeux de rôle, dans ce que je vais pouvoir partager, j'ai cette envie en fait d'amener d'une certaine manière une vision peut-être un peu humaniste et de pouvoir à mon niveau, hein, avec ma goutte d'eau, hein, d'amener peut-être un petit peu des prises de conscience sur des phénomènes de société et comment on peut en faire des parallèles dans le jeu de rôle, qu'est-ce qu'on peut en apprendre et comment on peut peut-être essayer de faire en sorte que la société aille un peu mieux, soit un peu plus sympa. Donc, même si c'est quelque chose qui paraît peut-être un peu grand, un peu plus grand que soi, c'est un peu mon objectif, à goutte d'eau par goutte d'eau. Donc, mais ça, c'est très personnel, ce qui est en plus, si vous voulez, de ce cadre commun. Et quand tu dis, Ramos, que c'était un petit peu ta faute de ne pas avoir expliqué justement que c'était un cadre éducatif, c'est à 50% ta faute. En tout cas, si vous étiez à plusieurs autour de la table, tu n'es pas tout seul à tenir la responsabilité de toute la partie. Et c'est un petit peu ça dans « Est-ce que le JDR peut nous aider aussi à être bien dans notre peau ?» Oui, mais il faut bien se responsabiliser et bien comprendre que ce qui nous appartient, c'est d'être déjà bien dans notre peau avec nous-mêmes. Donc, si quelqu'un d'autre va avoir une action, le MJ, par exemple, il va tuer toute la famille de notre personnage, lui faire subir des sévices importants, il y a aussi cette réflexion de se dire, ok, c'est quelque chose, c'est de l'information, comment cette information, est-ce que là, je vais la traiter? Et ça passe beaucoup, en fait, par tout un tas de filtres personnels. Donc là, on rentre un peu plus dans une réflexion un peu psychologique de la chose. En même temps, ça répond aussi à la question. Et ces filtres-là oriente aussi un peu notre vision du monde. On dit qu'il y a des gens qui sont peut-être plutôt vers à moitié plein, voire à moitié vide. C'est un petit peu ce genre de choses, hein, pour faire des grands raccourcis. Et si on va avoir une réaction émotionnelle qui va être peut-être, comme Greg, tu disais, tu étais peut-être trop impliqué émotionnellement, bah, c'est bien de pouvoir justement, c'est très bien de pouvoir le communiquer, le verbaliser, et à la table et au MJ de la manière la plus saine pour soi, justement pour comprendre ce qui se passe et pouvoir avoir un effet plutôt positif à un élément de catharsis. Puisqu'en fait, ce qui est important pour que ça fonctionne, c'est de pouvoir créer une distanciation émotionnelle. C'est-à-dire que qu'on considère bien en fait que ce qui se passe, c'est virtuel et que du coup, c'est vraiment pas dans la réalité. Même si les émotions, elles, qu'on a sont réelles, parce que pour le cerveau, la manière dont lui va les interpréter, les émotions vont être réelles pour lui, mais il n'y a pas de réalité en fait physique de ce qui est en train de se passer. Mais l'émotion, elle est réelle. Quand on regarde un film et qu'on est submergé par de la joie, l'émotion, elle est réelle. Elle n'est pas virtuelle, l'émotion, de toute façon. Mais il n'y a pas de réalité physique. On ne vit pas ce qui est en train de se passer réellement. Donc, c'est vraiment de faire cette distanciation-là pour prendre du recul sur soi et pouvoir en apprendre quelque chose qui va nous aider à avancer. Et effectivement, c'est quand même mieux quand on va chercher des choses qui sont un peu rudes à faire vivre aux uns et aux autres. C'est quand même mieux de le faire dans des cadres vraiment très bordés et avec des gens qui vont avoir quand même, je pense, c'est une vision très personnelle, mais un peu de compétences pour quand quelqu'un va pas bien et va plonger, pouvoir les ramener un petit peu. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait parlé d'un témoignage, c'est pendant la table ronde notamment, où sur une partie en fait de jeu de rôle, tout l'univers en fait était sous les eaux. Donc là, ils étaient effectivement submergés par l'ambiance. Et il y a une personne en tant que joueur qui a fait une crise complète. Une espèce de tétanie, elle a été paniquée parce qu'elle se sentait complètement enfermée. Crise d'angoisse, voilà, complètement. Et ouais, donc, j'ai déjà vu. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir bien ce rapport aussi, d'avoir installé quand même un dialogue de confiance avec sa table, d'avoir mis quelques règles. Alors, tu disais un petit peu avant, voilà, la carte X, ce genre de choses, en fait, tout ce qui peut aider. Ah là là, le mot est lâché. Oh, c'est bon, on est foutu. Ah bon. Je me dédouane de ce... Avant de rentrer ouais, dans la carte. Non, mais on parlait de la carte X, la carte Xen. Avant de rentrer dans la carte X, toutes nos excuses au modérateur. En parler aussi. On a un témoignage intéressant, justement, de Kaimao, Ryozor, qui dit que, justement, interpréter son personnage, justement, qui est une battante, qui lui manque un petit peu IRL, l'aide beaucoup, justement, à faire face après à des problèmes comparables aux siens qu'elle a dans la vie, hein, et donc ça la fait grandir. Et ça, c'est un beau témoignage, en tout cas, merci. Certains disent la distanciation est compliquée, voire impossible en fonction des jeux. Je suis pas forcément d'accord. Pas d'accord avec ça. Ouais, moi non plus, hein, je sais pas si vous voulez rien vous dire. Si c'est ça. Impossible, c'est qu'il y a un problème. Bah oui, voilà. C'est plus la Data capacité Reaper, de faire tu dis c'est impossible. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est impossible? On attendra ta réponse dans le chat, mais ouais. C'est vrai que le mot impossible est très très extrême en fait quand même. Clairement. Après, il faut savoir ce que nous on appelle distanciation. Je pense, hein, je ne veux pas parler pour vous, mais que c'est une notion de distanciation dans le temps. C'est-à-dire qu'en gros, on est à fond immergé dans la partie, d'accord, avec quand même un minimum de retenue, mais une fois la partie terminée et un petit temps de latence, comme tu en parlais tout à l'heure, Greg, quand tu t'es mal senti après une partie, on redevient dans le monde réel et c'est bon, c'est terminé. Si la distanciation est impossible, que tu amènes avec toi, justement, hors de la bulle sacrée, tout ce que tu as pris dans la partie, ah bah oui, là, ça va être problématique, c'est-à-dire que tu vas avoir sur tes épaules ta vraie vie quand tu arrives dans la partie et tes problèmes de la partie quand tu es dans la vraie vie, c'est intenable. Oui, clairement. Hein. À ce moment-là, je pense que le problème, il n'est pas inhérent au jeu de rôle, en fait. À ce moment-là, quand on arrive à ce problème, soit d'arriver à un souci de différenciation du réel et du virtuel, il vaut mieux voir un psy. Mais sinon, s'il y a un souci qui te permet ainsi de pas réussir à vraiment séparer les problèmes virtuels et les problèmes réels, c'est qu'il y a des choses, à mon avis, dans le réel qui sont beaucoup trop ancrées, beaucoup trop marquées et qui n'ont rien à voir avec la pratique du jeu de rôle lui-même. Alors peut-être que finalement la personne ramène trop de son réel dans la partie. Alors c'est possible. Peut-être ça soulève, évidemment, je ne vais absolument pas parler de la personne qui a posé la question sur le chat, mais il y a aussi peut-être une dimension qui est un peu sociologique du JDR qui est aussi un loisir. Qui a tendance à attirer des gens qui sont pas forcément bien dans leur peau à la base. Il y a beaucoup de gens qui sont hypersensibles dans le milieu du jeu de rôle au sens littéral du terme, qui justement projettent beaucoup parce que ce sont les mêmes qui sont un peu à fond dans le jeu vidéo et ainsi de suite, c'est-à-dire qui ont une âme d'artiste Et une âme d'artiste, ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un qui a un peu du mal à transiger avec le monde réel, justement, qui a du mal à s'y adapter et qui, du coup, a besoin impérativement d'avoir ses bulles cathartiques ici ou là, parce que sinon, c'est trop dur. Et qui très vite tombe du coup dans la dépression, l'enfermement, et ainsi de suite. Et il faut une soupape, quoi. Et le jeu de rôle en est une pour beaucoup de gens. Je disais ça aussi à une époque, je le pense toujours, hein, à propos du théâtre. On peut pas devenir comédien si on est bien dans sa peau à la base. C'est quelqu'un qui fait cette démarche, et surtout dans le théâtre d'humour, quelqu'un qui fait cette démarche d'aller se mettre sur scène, faire le guignolo devant les gens pour faire rigoler, il a un problème dans sa tête. C'est obligatoire quelque part. Quelqu'un de sain ne fait pas ça. D'accord. Alors, du coup, Data Reaper qui a dit, alors je cite la méthode du docteur Chestel, par exemple. Bon, personnellement, je ne connais pas. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Je vois de quoi ça parle, ouais. Je termine juste en fait quand ce qu'il dit, hein, ou alors certaines parties que j'ai vécues et fait vivre sur Mage et Exalted, cela dépend du type de mastering. Et il dit donc dans certaines parties, c'est voulu de ne pas différencier. C'est de différencier quoi ? Je pense le réel. Ouais. Il y a des jeux qui font un peu ça, qui mélangent un peu les deux. Mais j'allais dire si. C'est pas un problème dans le sens où c'est encadré, qu'on sait que c'est dans le cadre de la partie au final. Bien sûr. C'est du jeu de rôle brechtien, c'est-à-dire on va à fond dans l'immersion, mais il y a toujours une part de nous qui sait que c'est pour de faux. Le danger vient quand cette part de nous disparaît, mais tant que cette part de nous existe et qu'on sait qu'il y a un cadre, c'est-à-dire il y a un début et il y a une fin, on fait ce qu'on veut en fait. Tant que tout le monde est d'accord, qu'on en a parlé avant et qu'on sait ce qui va, enfin, parce qu'on sait ce qui va se passer, mais les enjeux de la partie. Est-ce que Glenn peux nous expliquer un peu ce que c'est que la méthode du Dr Chestel? Ouais, s'il te plaît. J'allais intervenir sur autre chose. La méthode du Dr Chester, c'est un truc. Moi, j'ai joué. On jouait un personnage schizophrène, et du coup, on inversait les personnalités du personnage. Et c'était assez troublant parce qu'il y avait un personnage pour deux, mais la personne qui était à côté de nous devait nous prendre la place à chaque fois, enfin pour faire ses propres actions. C'est un peu ça, et du coup, tu mets beaucoup de toi parce que c'est toi dans sa tête, en fait, et tu dois réfléchir pour essayer de t'en sortir. Moi, je voulais intervenir sur un autre sujet que tu avais parlé, Rambos, au sujet des enfants. Et là, comme on parle un peu de thérapie, j'ai travaillé dans une association d'aide à la petite enfance et surtout aux personnes atteintes de petites maladies, troubles de la concentration et autisme. Et du coup, ils m'ont demandé, à nous, on a une formation pour faire accueillir ces personnes, pour faire du jeu de rôle à plusieurs et les accueillir justement dans des salles où c'est prévu avec des infirmiers, etc. Parce que c'est des personnes qui sont atteintes assez graves d'autisme. Je ne pourrais pas dire quelle forme, mais en ayant fait, on a eu la formation, etc. Je peux vous dire que ça aide énormément. Bon, ils ont des problèmes de concentration, du coup on ne peut pas faire plus d'une heure et demie, c'est bien strict, hein. Après c'est impossible. Les crises, ça peut être aussi très perturbant, ne serait-ce que pour les autres. Et là on parle de personnes qui sont atteintes par des maladies qui peuvent être mentales, mais d'autres sont tout à fait normales et ils exploitent justement ces petits bouts de fantaisie. Et ça les aide dans leur vie et ils continuent des fois à imaginer, même bien après. J'étais même des fois rappelé parce qu'ils voulaient que ce soit moi, que ce soit le grand monsieur barbu qui en fasse le conte de fées, quoi. Et c'est ça qui, pour moi, aide beaucoup. Le GDR ne peut pas être qu'un outil aussi, on est d'accord, c'est ludique, mais c'est aussi l'aspect thérapeutique qu'avait dit justement Grobil. Donc oui, ça je peux le confirmer. Ça aide, mais après, c'est un piège aussi. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que j'avais lu encore ? Donc, il y a justement la FFJDR qui dit la même chose. Hein. Donc, c'est un jeu, donc la méthode du Dr Chestel, un jeu de Daniel Dangean. On en interprète des soignants qui font la psyché d'un PNJ atteint de trop. Ouais. Hein, donc c'est ce que j'ai dit. Hein. Voilà, oui. Bon, je pense voilà, qu'on peut avoir d'autres maladies mentales. Je vois, c'est un style plus psychologique. Après, je rebondis aussi sur ce que disait Data Reaper, où il disait que des fois il plonge dans un personnage, mais il arrive et quand il en ressort, il reprend sa vie normale. C'est ça la distanciation finalement. Je peux te dire, il y a des films qui parlent justement de personnes qui ne sortent pas de leur personnage. Ça arrive souvent que les personnes ne fassent plus du coup l'aspect avec la réalité et le jeu de rôle. Ça, c'est aussi une autre histoire. Non, oui. On est sur des cas un peu plus pathologiques. C'est-à-dire que ce problème de perception de la réalité, c'est quelque chose qui traînait déjà en eux avant le jeu de rôle, et dans ce cas-là, un déclencheur, c'est pas la cause. Oui, c'est ce qui était arrivé dans les fameuses années 90. Hein, voilà, et le fameux film espagnol, que je sais pas si vous l'avez vu, où le type se prend pour Conan, quoi. Ah non, pas du tout. Il est très mauvais, et justement. Oui, c'est un film très mauvais, c'est un film espagnol où le type fait une partie de jeu de rôle et à un moment, en fait, il devient complètement maboule et il se prend pour Conan. À la fin, il est à l'asile psychiatrique parce qu'il pense vraiment être l'incarnation de Conan. Voilà. Mais avant ça, le premier film qui a traité de la thématique du jeu de rôle en tant que jeu, c'est un des premiers films avec Tom Hanks. Alors, j'ai beau adorer Tom Hanks. Labyrinthe, ouais. J'ai beau adorer Tom Hanks, c'est un très très mauvais film et Tom Hanks joue très mal dedans. Et en l'occurrence, voilà, ça traite directement de ça en s'inspirant des problèmes qu'il y avait eu aux États-Unis à l'époque. Je dis vraiment en s'inspirant très largement parce que ça, le film le retourne à sa sauce. Pour le coup, Gilus de la chaîne Zone Geek a fait une vidéo dessus qui explique assez bien, effectivement, la distance entre l'histoire réelle et ce qui est raconté dans le film. Mm-hmm. Et ça parle du fait que voilà, ce gamin qui s'est pris pour ce personnage de jeu de rôle et qui a fugué et tout ça, alors que dans les faits... Le film est très mauvais. Hein. Voilà, le film est très mauvais, ça raconte une histoire qui est vraiment grandement fausse. Mais voilà. De toute façon, des films qui traitent du jeu de rôle comme un médium et en essayant d'en parler autre chose que comme un loisir cool comme dans Stranger Things par exemple, c'est souvent mauvais, hein. Oui, c'est souvent très mal traité, hein. C'est surtout vu dans des articles, etc. Parce que c'est la mauvaise presse, comme beaucoup de choses, parce que comme beaucoup de personnes adeptes de ce hobby étaient un peu marginales pour la plupart des personnes. Mais ça n'a pas grand chose à voir avec le sujet, mais bon, voilà, c'était pour intervenir sur cette histoire. Moi, ça a à voir par rapport à la distanciation, hein, entre le virtuel et le réel, finalement, hein, qui est importante. Et c'est vrai que oui, hein, comme il y a eu des exemples, hein, des fois, on met du temps à sortir d'une partie parce qu'elle nous a vraiment fait vivre des émotions, hein, très fortes. Et ça peut des fois prendre du temps, et c'est bien d'en parler, je pense. Entre les personnes autour de la table après la partie. Ça c'est très important. Oui. S'il y a quelque chose qui n'est pas plu ou qui vous a choqué, qui vous a vraiment perturbé, il faut en parler parce que sinon ça pourrait continuer, ça pourrait recommencer, ça peut être un cercle justement vicieux et non vertueux comme on voudrait que ce soit le truc. Et là c'est fini quoi, vous vous en sortez pas et vous perdez peu à peu l'envie de venir à la table et l'envie de jouer à ce jeu et même vous quittez clairement le monde du jeu de rôle. En règle générale, dans la vie, que ce soit en jeu de rôle ou là, les problèmes, il ne faut pas les refouler, il ne faut pas les mettre de côté ou quoi que ce soit, il faut en parler, il faut être capable de les analyser. Je pense que le plus difficile, des fois, ça va même être capable de se rendre compte qu'on a un souci avec quoi que ce soit. Mais une fois qu'on en a pris conscience, il faut en parler. Il faut absolument... Soit des personnes autour de soi, soit des professionnels, mais c'est toujours très très important de communiquer autour de ça. Je vais juste dire un petit truc là-dessus, et peut-être faire une transition vers un autre truc, parce que ça m'a fait penser à quelque chose. C'est quelque chose peut-être aussi que les gens n'osent pas dire, notamment les débutants, parce qu'ils ne savent pas ce qui est censé être une partie de jeu de rôle. Et la règle est la même, quel que soit le loisir, mon jeu de rôle c'est très clair. C'est en gros, il peut arriver les pires horreurs au personnage, ça c'est pas grave. Mais le joueur doit toujours s'amuser. Et c'est tout. Voilà. À partir du moment où vous vous amusez pas, alors des fois parce que la partie vous ennuie, bon ça c'est absolument pas grave, ça arrive à tout le monde, mais des fois parce que ça vous fait mal à vous, joueuse ou joueur, bah là c'est qu'il y a un problème et il faut effectivement en parler. Et il faut que... La Xen Card, bien sûr. Et la Xen Card. Et il faut que le ou la MJ soit prête à l'entendre. Parce que quand on maîtrise, alors des fois on fait des maladresses, des fois on ne sait pas, même si c'est des copains, sauf si c'est des amis proches avec qui on fait du JDR, mais plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qu'on connaît plus ou moins, et on ne connaît pas leur traumatisme, on ne connaît pas leur trauma précédent, donc on peut déclencher chez eux des réactions violentes, parce que, en toute bonne foi, hein, on ne connaît pas leur phobie, et c'est pas grave, ça ne remet pas en cause ce qu'on est nous. Et en fait, du coup, ça me fait rebondir là-dessus, c'est que depuis tout à l'heure, en fait, on parle que d'une catégorie, c'est les joueurs. Et en quoi être MJ, ça aide aussi à se sentir mieux dans la peau. Parce que, je sais que Greg en fait, alors c'est le sujet à la base parce qu'il avait eu une discussion sur le rapport de pouvoir sur une table de JDR. Mmh. Et du coup, c'est très intéressant du coup, de parler de la psychologie du MJ. Moi qui suis quasi MJ perpétuel, je sais, mais tout le monde parle des MJ à tendance de base plus ou moins perverse, narcissique, dominatrice, sadique. C'est le cliché du MJ. Le MJ sadique, pervers, narcissique. En même temps, quand tu viens me maîtriser une table, derrière Benoît, son écran, avec ta combinaison en cuir et ton fouet. Excuse-moi, mais bon, ouais, mais voilà. C'est un style. Ben, c'est exactement, et c'est important d'avoir un style bien ancré. C'est violent, mais vous allez apprécier. Hein. C'est ça, c'est un monde violent, mais vous allez apprécier. Non, mais justement, par rapport à tout ce qu'on disait sur la catharsis, tout ça, c'est vrai que tout ce qu'on a dit me semble s'appliquer aux gens qui sont les PJ, mais est-ce que ça s'applique de la même manière au maître du jeu? Et là, évidemment, je pense plutôt aux gens qui sont quasiment tout le temps MJ. Parce qu'il y en a, de gré ou de force. Oui. On peut nous aiguiller là-dessus. Vas-y, Groby. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Amos, hein, pour faire suite, effectivement, c'est pas que les PJ, c'est tous les participants autour de la table, hein, qui vont avoir, qui vont pouvoir bénéficier des effets du jeu de rôle. Et quand on est en fait MJ ou PJ, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé, en fait, c'est les gens qui disaient, ben moi, je suis que PJ et je veux surtout pas être MJ, ou inversement, les personnes qui disent, je veux être MJ et je veux surtout pas être PJ. Je sais pas, il y a comme un truc qui est un peu louche, en tout cas qui est un peu bizarre pour moi, c'est-à-dire que le jeu de rôle, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus global, et que ce soit autant en tant que MJ qu'en tant que personnage joueur, il y a de la richesse, il y a quelque chose à apprendre, et il y a une flexibilité aussi comportementale, intellectuelle, émotionnelle à avoir dans un rôle comme dans l'autre. Alors bien sûr, on peut avoir une préférence, moi je sais que je suis beaucoup plus MJ que PJ, mais c'est parce que c'est quelque chose qui me plaît plus, et en même temps, quand je suis PJ, je sais que je m'amuse aussi beaucoup et j'en profite justement pour être dans le rôle, être en posture de PJ à 100% et pas justement vouloir embêter et faire mon MJ, mon MJ-PJ en quelque sorte. Mmh. Et inversement, quand je suis MJ, je suis dans la posture de MJ. Donc, il y a quelque chose à apprendre effectivement dans les deux cas, dans l'interaction que vont avoir en fait les personnages joueuses et le MJ ou les différents MJ, parce qu'il y a des tables des fois qui tournent, et dans cette interaction il y a effectivement quelque chose qui peut se renvoyer et je reviens un petit peu avec quand on parlait de distanciation émotionnelle, avec le fait de considérer que quand le personnage vit quelque chose, c'est le personnage, et en fait d'avoir cette double conscience de ok, il y a une émotion que je dois jouer, interpréter, c'est peut-être de la passion dans mon discours, mais en même temps, moi en tant qu'être humain, je suis juste content d'être là, mais je ne suis pas forcément passionné par ce qui est en train de se passer, mais mon personnage est passionné. Et c'est d'arriver à faire un petit peu cette différence, de mettre cette distance, un petit peu cette dissociation émotionnelle, aussi dans des moments peut-être de mon personnage est en colère, ou mon personnage est triste, ou mon personnage est très excité par le repas du Elflin qui nous a été préparé. Mais pourtant, moi, en tant qu'être humain autour de la table, enfin, voilà, j'ai de la nourriture saine et pas de la trash food. Donc, tout va très bien. Donc, effectivement, il y a quelque chose à apprendre. Et en termes de rôle, quand tu disais, en fait, par rapport à Greg, le pouvoir de dominant-dominé, là aussi, il y a quelque chose. Parce que tu vois, la caricature, en fait, du MJ sadique, etc., moi, c'est pas du tout quelque chose. Alors, je l'ai entendu, je la connais, bien sûr. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui me parle. Parce que j'ai toujours, en fait, mis en avant l'idée, en fait, qu'il y a un espèce de contrat aussi entre les PJ et le MJ, de dire on est tous là pour s'amuser et c'est pas au détriment des uns des autres, parce que c'est effectivement un jeu de coopération, mais c'est un jeu de coopération entre les PJ et surtout entre le MJ et les PJ, parce qu'au final c'est bien beau d'avoir envie de vivre une histoire, de raconter quelque chose, de rigoler, de passer du bon temps, mais si c'est juste pour que les PJ fassent ce que le MJ a envie, autant lui filer un script et puis voilà, raconter votre texte et on s'arrête là, quoi. Ça n'a peu d'intérêt. Ouais. Donc, dominant, dominé, il y a quelque chose à apprendre, je pense, des deux côtés et dans les émotions qu'on procure aux autres et qui nous procurent aussi. Et avoir cette espèce de responsabilité aussi de dire, bah, en fait, quelle est la part d'influence que je vais avoir sur les autres et les déclencheurs que je peux avoir vers eux. Qu'est-ce que je vais amener comme élément d'intrigue ou comme situation qui va avoir un effet ou pour les agacer ou pour les faire réfléchir ou pour les amuser. Et de la même manière, qu'est-ce que eux, en tant que joueurs, ils peuvent créer comme situation qui bah, vont m'amener du challenge. Des fois, vont me faire plaisir. Des fois, vont m'embêter parce que j'ai passé 4 heures à préparer un truc où j'avais une super idée et en fait, ils vont pas du tout aller là-dedans. Et tout ça, en fait, joue sur la prise de recul par rapport à soi. Gérer un petit peu sa frustration, hein, quand Greg parlait de on refoule des pulsions et c'est le moment de les exprimer. Ben, c'est aussi, on crée aussi un petit peu des frustrations et qu'on apprend à gérer. Alors, c'est bien parce qu'on n'est plus des enfants. Et justement, ben, être mieux et de mieux en mieux dans sa peau. Encore une fois, en étant dans un cadre qui a été prédéfini avec de la bienveillance et où on est plus ou moins, on est tous en tout cas au fait de comment ça doit se passer et que s'il y a un problème, il faut effectivement communiquer. C'était très clair, hein, voilà. Le silence à très grobi, c'est encore du grobi. Oui, voilà, c'est ça. Mais juste pour revenir à ce que tu disais, Ramos, effectivement, le rapport au pouvoir dans le jeu de rôle, donc c'était cette réflexion que j'avais eue, en me disant, là en ce moment, par exemple, j'ai monté une table donc sur Roll20, finalement oblige, pas le choix, de Star Wars. Mais la plupart du temps, les jeux, les règles des jeux, de la plupart des jeux, quand c'est un petit peu trop lourd à mes yeux, et je suis vraiment pas tolérant pour ça, ça m'emmerde. Donc, mon Star Wars, c'est ni le système D6, ni le système D20, ni le système Edge. J'ai fait du Star Wars, donc j'ai repris l'univers, mais je le fais sur le système Itos que m'a présenté Benoît, qui est un système espagnol, on va dire, orienté narrativisme. Puisque c'est très proche de Fate. Oui, voilà, il y a pas mal de... Il est gratuit, je crois qu'ils l'ont distribué. Pardon, Groby ? Je crois qu'ils l'ont distribué, ils l'ont mis en accès gratuit à Itos pendant le confinement ou au début. C'est possible, ouais. Mais moi, ce qui me plaît dans ce système, et là aussi on le retrouve un peu dans Fate, c'est ce principe de des points de drame qui permettent en fait aux joueurs d'influer sur l'histoire, d'une certaine façon, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails des règles, mais ce que j'aimais bien, c'était ce principe que justement, je n'ai pas la maîtrise totale sur le jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai mon scénario, je réagis en fonction de ce que les joueurs vont faire, mais en dehors, en plus de ce que les joueurs vont faire, les joueurs peuvent intervenir sur le scénario, dans une certaine mesure évidemment, mais c'est quelque chose que j'apprécie. Et je me disais, je connais des MJ qui au contraire vont vouloir utiliser le système de règles pour garder le contrôle sur leur partie, pour garder ce rapport au pouvoir, encore une fois, de se dire bah, c'est ma partie, c'est mon univers et les joueurs sont dedans. Alors on voit vite la différence entre un MJ qui va bien maîtriser son univers et on voit pas trop quels sont les murs de l'aventure qu'on est en train de faire, et un MJ qui a vraiment du mal et qui par contre va nous faire avancer dans des couloirs. Mais j'ai vraiment la sensation que le type de choix des règles et surtout le choix de la quantité des règles est assez symptomatique de ce rapport au pouvoir. Alors Volsung serait certainement énervé de ce que je viens de dire, mais voilà, tout ça pour dire que ma réflexion venait de là, en fait, de me dire que, en tout cas au niveau du MJ de base, le rapport au pouvoir pour moi se représente vachement sur la façon dont le jeu qu'on va choisir et les règles qu'on va utiliser et même la quantité de règles qu'on va appliquer, parce qu'on n'est pas du tout obligé d'appliquer exactement les règles d'un jeu. C'est un vieux débat, ça. Il me semble que j'ai déjà entendu ça sur cette chaîne. Ouais, pareil, bien. Pareil. Oui. Navré. Non. Si je peux intervenir, j'ai peut-être une histoire au sujet encore de personnes qui ont. Bah, là, c'était un ami à moi qui était atteint de mutisme, mais un cas quand même assez grave, on va dire. Et j'étais un peu, j'étais dans la même classe, on était quand même au BTS, hein, ça remonte. J'étais un peu l'ami style dans les mangas japonais qui vient le voir et qui fait allez, tu vas venir avec moi faire des jeux de rôle, ça va te sortir et ça va te faire parler un peu, quoi. Et je l'ai un peu bousculé, j'ai beaucoup incité, je l'ai pas non plus poursuivi, mais du coup je l'ai invité à faire du jeu de rôle. Et vous voyez, il y a quand même plusieurs types de joueurs, ça on pourra en reparler encore une fois. Il y a toujours le joueur qui adore s'exprimer, parler à la place des autres, même suggérer, etc. Il y a des joueurs qui sont très bons pour ça. Il y a ceux qui suivent un peu mouton, et il y a ceux qui sont vraiment un peu renfermés, qui n'interviennent pas vraiment, pas désintéressés, mais qui essayent. Mais lui, il était de cette partie-là, mais il venait à chaque fois, il rapportait à chaque fois à manger, etc. Et au bout de 6 semaines, je lui dis, est-ce que ça t'intéresse? Il me fait plein de ça. Et je crois que c'était 2 ans plus tard, dès qu'on s'est un peu perdu de vue, il m'avait envoyé un message en disant que ça l'avait quand même beaucoup aidé, ne serait-ce que les interactions, le fait d'être social. Bon, il ne parle pas plus, mais au moins, il dit que c'était quelque chose qu'il a trouvé toujours très agréable. Et que même si il était désolé de ne pas pouvoir intervenir plus souvent, il disait qu'il il avait beaucoup aimé et qu'il referait ça à chaque fois. Et voilà, c'était la petite histoire. Bon, il est pas guéri, hein. On ne peut pas guérir des choses comme ça, mais malheureusement, bah, je pense qu'il a quand même bien profité et que maintenant, il s'épanouit autrement. Voilà. Mais voilà, c'était tout pour la petite histoire, mon ami. Ah non, c'est vrai, c'est une belle anecdote. Oui, oui. Ah, pardon, j'applaudissais. Non, j'étais juste, moi, je rebondissais juste sur Greg, qui est sur les règles, en fait. C'est par rapport à le fait d'être bien dans sa peau. C'est qu'il y a des univers et des règles, en fait, et tous les jeux de rôle ne se valent pas. Parce qu'ils n'ont pas tous aussi le même traité narratif, ils ne veulent pas tous raconter la même histoire. De fait, c'est sûr que si on veut développer plutôt des compétences sociales, pouvoir parler, être plus à l'aise à l'oral face à un groupe, qui soit petit ou grand, en tout cas d'inconnu, c'est sûr qu'il vaut mieux favoriser des jeux de rôle qui vont mettre la narration et l'échange, la verbalisation au cœur, plutôt que quelque chose qui va être intimement bourrin. Et si c'est développer de la coopération et surtout peut-être quelque chose de plus empathique dans la relation à l'autre, c'est peut-être pas le top de faire une partie de Bloodlust en jouant une bande de pirates pendant la saison des conquêtes. Voilà. Donc il y a aussi des choses peut-être qui se prêtent un petit peu mieux aussi à l'objectif, et je pense Ramos, toi tu auras, je pense, des choses à dire par rapport au théâtre, parce que je sais pas, mais j'imagine que en fonction de l'intention que tu vas amener, de ce que tu veux faire découvrir, tu fais pas forcément faire tout le temps les mêmes exercices dans les mêmes cadres, dans les mêmes contextes. Il y a peut-être des choses qui sont plus contextualisées. Après, dans le cadre d'un atelier d'improvisation, c'est pas tout à fait pareil avec du texte. Ce que tu dis se rapprocherait plus d'un travail avec texte qu'avec un travail d'improvisation. En improvisation, les séances, elles ont des thématiques techniques. C'est plus proche d'un entraînement sportif où on développe des qualités sportives. Tu vois, comme une séance d'un club de foot, on travaille sur la passe, ou on travaille sur le tir, ou on travaille sur le placement. En improvisation, c'est des thématiques un peu comme ça, mais qui sont qui se rapprochent de thématiques qu'on peut trouver dans le jeu de rôle. Le travail sur l'écoute de l'autre, l'acceptation de la proposition de l'autre, rebondir sur les idées des autres, etc., etc. Quand on travaille sur du texte, effectivement, là, c'est complètement différent. Ce que tu dis par rapport au système de jeu et à l'univers que tu choisis, c'est pareil. Si je choisis de faire jouer du Brecht, évidemment, c'est pas du tout les mêmes émotions ou les mêmes trucs que je vais faire travailler à quelqu'un que ce jeu que j'y fais travailler du Molière. C'est pas tout à fait la même chose. Et pour parler de distanciation, effectivement. Je profite, je rebondis, si ça vous embête pas. Mais vas-y, vas-y. Oui, merci Greg. parce qu'en fait, tout à l'heure, en fait, tu parlais, Greg, du rapport au pouvoir dans le jeu de rôle. Et moi, il me semble, là-dessus, je le rapproche un peu le jeu de rôle du conte. Que je pratique également, mais qui me semble qu'il y a aussi un rapport. Le jeu de rôle aide à faire du bien parce que il aide à accepter un rapport au monde. J'ai l'impression, comme plein de gens, hein, que dans beaucoup de parties de JDR, on a des gens. Là, c'est pas typique des JDR. Hein, on est dans une civilisation, dans une époque où on a une énorme sensation de ne pas avoir un grand contrôle du monde qui nous entoure et voire de sa propre vie. On se sent globalement ballotté par les événements plutôt qu'en contrôle des événements. Le jeu de rôle est les fictions en général, mais le jeu de rôle en particulier, permet d'être le héros de sa propre histoire. Le vrai héros, celui qui pète les culs. Et je pense que c'est la fonction du jeu de rôle et de l'imagination en général. Je sais que c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, sur lequel je travaille, je vais même en faire un spectacle peut-être, sur la place de l'imagination et de l'imaginaire comme symptôme de révolte sociale en fait. Et je crois que le jeu de rôle est un moyen d'expression pour ça. Comme toutes d'ailleurs les univers d'imagination. Je crois que c'est toi Groby qui en parlait tout à l'heure, un peu, mais... tout univers de science-fiction écrit par quelqu'un qui a de la qualité ou de fantasy écrit par quelqu'un de la qualité est plus ou moins une critique du monde. L'exemple évidemment idéal là-dessus, c'est Philip K. Dick, par exemple, bien sûr. Et il me semble que de plus en plus, d'ailleurs, de jeux de rôle l'assument, je crois. Notamment dans les, ce qu'on va dire, le jeu de rôle d'auteur, plutôt que les grosses machines, hein, c'est un peu comme partout. Moi, j'ai l'impression, à titre personnel, que ouais, si je regarde bien en arrière et en étant très honnête, tout ce que j'ai fait dans ma vie est construit à partir du fait que j'ai commencé à être rôliste à l'âge de 12 ans. C'est absolument... et notamment, pour ça que j'en parlais un peu tout à l'heure, notamment de devenir MJ. Parce que évidemment c'était la génération du MJ tout puissant, hein, pour revenir au rapport de pouvoir, c'était les années 90, voilà, les joueurs ils fermaient bien leur gueule à l'époque, ils étaient disciplinés, hein, le jeu de rôle savait où de tout le monde était, temps, hein. De mon temps les joueurs savaient où était leur place derrière l'écran, mais, c'est là que j'ai découvert que c'est cool de raconter des histoires et que j'ai appris à structurer des histoires. Mine de rien, ce sont des genres de choses qu'on apprend en jeu de rôle. Comment se structure une fiction, comment se structure une bonne histoire. C'est Alexandre Astier qui le disait il y a pas longtemps quand il parlait du jeu de rôle. Il disait les rôlistes, vous gourrez dans le scénar, ils s'en foutent, ils se barrent, leur perso ils se barrent si l'histoire elle est nulle, ils vont faire autre chose, vous avez pas le choix que de leur donner de la bonne cam, sinon rien n'empêche les personnages d'aller ailleurs. Et c'est vrai dans la réalité, dans la pratique c'est faux, mais dans la théorie c'est vrai. Et c'est rétrospectivement, c'est toujours plus facile de donner du sens a posteriori, mais rétrospectivement c'est quand même pas un hasard si après j'ai fait des études d'histoire, que pendant mes études d'histoire je me suis mis au théâtre et que j'ai fini par devenir conteur. Y a quand même quelque chose qui vient de là et qui a été révélé par le jeu de rôle, je pense. Voilà, c'était le moment confessionnel. Alors il y a Monsieur Jack qui rebondit. Certaines personnes n'ont justement pas parlé pour développer son personnage dans un univers narratif, mais qui n'ont aucun problème à s'exprimer pour jouer des mécanismes. Alors, il donne un exemple, attention, il vaut mieux qu'on se place ici pour tuer le mob sans prendre de dégâts. Peut-être plus stratégique, en fait, que dans l'interprétation vraiment du rôle. Plus méta, quoi. Je pense que un peu pour aller un petit peu à contresens de ce que vous disiez, effectivement, les règles pour des gens qui ont du mal à s'exprimer, c'est un cadre rassurant, et c'est dans ce cadre qu'ils trouvent l'expression. C'est pas juste être dans le méta et être dans le gaming, on va dire. C'est un cadre rassurant qui permet de s'exprimer. Et c'est le truc typique de je suis complètement timide, j'ai cette frustration de pas savoir m'exprimer en public, je fais un perso qui est super fort en baratin, évidemment, je vais pas du coup faire des discours. Je vais réussir mes jets de baratin et je vais trouver ma catharsis par ça. Tout à fait. C'est très inhérent en fait à chaque personne. Il y a le côté, comme tu dis, qui est ultra important de sécurité. Parce que du moment qu'on se sent en sécurité, on va se permettre justement plus d'extravagance, d'être un peu plus aventureux. Alors, on peut trouver de la sécurité dans les règles, parce qu'au moins, elle, si on dit il faut que tu lances tes dés et l'effet c'est ça, donc tu lances tes dés et l'effet c'est ça, et personne peut nous prendre en défaut par rapport à ça. Il n'y a pas de surprise d'une certaine manière. Et ça peut être la sécurité. Moi, quand je parlais tout à l'heure, en fait, c'était l'exemple de, je me souviens en fait d'une partie de jeu justement avec un joueur débutant qui avait beaucoup beaucoup de mal à s'exprimer et donc il avait donné un rôle. C'était la première fois que je jouais la campagne de Metal Adventure. Donc j'étais PJ pour le coup, je me disais beaucoup et du coup je lui avais filé le rôle. Il a pris le rôle de second. Et donc toutes les diatribes verbales qu'il y avait à faire, Donc, très gentiment, je le poussais un petit peu à le faire. Et on utilisait le système de jeu, en fait, pour lui donner des bonus sur le résultat de son action. Et en même temps, on lui demandait quand même, de dire quelques mots, même si il avait juste trois mots à dire, que c'est les jets de dés qui font son truc. Et petit à petit, ça l'a aidé, en fait, l'addition des deux à avoir des espèces d'envolées lyriques. Et au bout de je sais pas, une dizaine de parties, on pouvait plus l'arrêter. Hein. Il parlait sans s'arrêter. Donc c'était assez rigolo. Parce qu'après, il a même ouvert, lui, une association de jeux de rôle là où il habitait. Enfin, c'est un truc un petit peu foufou. Et il y a vraiment ce côté de sécurité qui est important pour pouvoir avancer. Et ça dépend en fait de chacun. Parce que si l'intérêt, c'est effectivement les règles, et on met un point d'honneur à suivre des règles très complexes, très péchues, et c'est ça qui nous fait plaisir, bah, c'est sûr qu'il faut choisir un jeu avec des règles péchues, avec ceci, et être avec d'autres personnes qui vont prendre plaisir aussi à jouer à ça. Et l'idée, c'est justement de trouver un équilibre. Hein. C'était juste ce que je manifestais un petit peu. Hein. Mais j'ai une anecdote également par rapport à ça, hein, où j'ai une joueuse qui est vachement retrait, vachement spectatrice, hein, qui prend du plaisir hein, malgré tout, hein, mais qui est assez spectatrice. Et une fois dans une partie, j'avais fait un démineur géant, où c'était les joueurs, ils devaient avancer en fait hein, de cette manière-là. Et je ne l'ai jamais vu aussi à fond dans la partie qu'à ce moment-là. Et ça m'a fait plaisir, en fin de compte, elle était à fond dedans par rapport à ça. Cécile également qui dit « Mes répliques, quand j'ai commencé à jouer, je tape. » J'en ai parcouru du chemin depuis, je confirme. Mais bon, c'est vrai que... Voilà, je pense qu'on a tous commencé par du porte-monnaie de trésor. Enfin, moi, personnellement, voilà, quand j'étais gamin, j'ai commencé par ça. Hein. Moi, le premier jeu que j'ai joué, c'est Paranoia. Ah ouais, donc toi, t'es tout de suite. Ah ouais. Bon, ça peut expliquer certaines choses, peut-être. Moi, je trouve que l'aspect... Le fait qu'il faut absolument que le MJ contrôle tout en permanence, pas du tout. Je voulais intervenir sur l'aspect du jeu de rôle, qui est pour moi divisé en trois parties. Hein. Il y a l'aspect déjà ludique, donc lancer des dés, certainement, ou lancer quoi que ce soit, tirer des cartes, ou je sais pas quoi, mais au moins un aspect de jeu qui est inhérent. Et ensuite, il y a l'aspect roleplay, qui est aussi très important, donc ensuite, il faut faire un bon mélange des deux. Il y a des gens qui préfèrent la première partie, d'autres qui préfèrent la deuxième, d'autres préfèrent un bon équilibre. Et il y a une troisième catégorie, bah, c'est l'aspect social, c'est-à-dire que tu peux pas jouer tout seul. Hein. Tu peux jouer tout seul si tu veux, mais c'est pas la même ambiance que si vous êtes 3, 4, 6, 12, je sais pas. Mais à un moment, il faut quand même bien comprendre qu'il y a l'aspect de groupe qui joue énormément. Et on peut avoir les meilleures règles avec, et faire les meilleurs roleplays. Si on est tout seul, c'est pas tip-top. Hein. Mais bon, après, c'est toujours une performance à faire devant les autres. Et c'est ça qui nous rend heureux, c'est d'avoir réussi ou raté, peu importe. Voilà. Alors, donc, il a commencé à 12 ans avec Paranoia, dit Monsieur Jack. Oh là là. Eh oui. J'ai commencé à 14 ans avec Warhammer, moi, et c'était bien, bien dur avec les coups de bâton du MJ. Ça... Ah, bah, Warhammer en plus. Moi, je prenais ma fiche, il a déchiré devant moi, donc... Allez. Quoi? Ah, oui. Ah bah, c'est la violence, quand même. Oui, le jeu, bien, en fait. Dans le jeu de rôle, à ce moment-là. Personnage, j'ai tombé dans un escalier en colimaçon, en armure de plate. Par un petit jet de dés. Il est mort en se brisant la nuque, il a pris ma feuille, il n'a pas déchiré, mais il l'a gardé et je ne l'ai jamais reçu. En quelque sorte, c'est mon personnage est mort, quoi, et il garde la feuille. Ouais, j'ai déjà parlé de cette anecdote. Ouais, okay. C'est violent, mais bon, moi j'en ai demandé. Après. En fait, c'est dommage, même si le personnage meurt, je trouve dommage de garder la feuille. Toi, tu peux justement garder un peu en souvenir. En fait. On parle d'une ancienne époque. Oui, c'est vrai qu'à une époque, ça se faisait vachement. C'était justement, on en parlait, un côté symbolique et rituel. Tu vois, il est mort, il n'est plus à toi, disparaît dans les limbes. Ton personnage est mort, il n'existe plus, c'est simplement ça. oublie-le, fais un autre. Alors, je peux assurer que ça ne m'a pas traumatisé, c'est juste une histoire que je raconte de temps en temps. Et comment tu peux jouer à post-mortem après si tu n'as plus ta fiche de personnage? C'est vrai. T'es obligé de retrouver ton MJ de l'époque, être sûr qu'il a gardé la feuille quelque part. C'est vrai. Alors, il y a Data Reaper qui dit quelque chose. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec Ramos. Il semble reprocher aux années 90 d'avoir des MJ et des joueurs à leur place. Pourtant, je n'ai jamais autant pris mon pied qu'à cette époque où justement le cadre et le fil du scénario avaient une grande importance. Avec la narration partagée, je me retrouve avec des récits décousus. Je n'adhère pas à son analyse et je la trouve orientée. Oula. C'était une époque où l'on essayait beaucoup de choses et les univers n'ont jamais été aussi riches. Volsung, on sait que c'est toi. Ouais. J'ai utilisé la Xenon. Enlève ton masque. Je ne suis pas d'accord. Change ton pseudo, on t'a reconnu. Tu sais que t'es pas obligé de te faire du mal. Hein. On a parlé de sadomasochisme à un moment donné. C'était pas forcément pour adopter ce genre de comportement dans le jeu de rôle. Hein. Si t'aimes pas ça, ne consomme pas. Si je peux répondre vite fait, c'était une vanne. Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, mais je pense que lui aussi est un peu, j'ai remarqué, hein, il aime bien un petit peu la limite du troll. Hein, depuis le début. Mais bon. C'est un troll de qualité, c'est un troll qui a des phrases construites et ça fait plaisir. Ah oui, tout à fait, c'est tout vrai. À fait. Voilà. Ah oui, non, mais voilà, c'est ça, c'est un troll au moins niveau 2. Voilà, que tout à l'heure je me suis quand même fait traiter de marxiste, j'ai très très bien compris là par contre, mais soit. J'ai vu aussi. Voilà, bon. Pour rebondir par rapport au petit troll des années 80, juste je fais le parallèle sur le fait en fait, d'avoir quelque chose qui est très cadré, qui est très dirigé. Et le jeu de rôle, dans beaucoup d'utilisations qu'on va en avoir en thérapie, donc sûrement des outils thérapeutiques ou un accompagnement, en fait, ça ressemble beaucoup en fait, à quelque chose qui est très scripté. Ce qu'on va amener en fait, la personne, on appelle dans le jeu de rôle, la personne à revivre, en fait, à redécrire un contexte, une expérience vécue. Et l'idée, en fait, c'est de la revisiter en changeant des éléments. Donc, ça s'appelle le jeu de rôle, même si ce n'est pas qu'on va faire autour d'une table pour s'amuser, il n'y a pas de jet de dés, c'est uniquement sur l'échange, et on va aller questionner qu'est-ce qui aurait pu changer dans les comportements, dans les expressions, si ça avait changé en termes de comportement, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va avoir comme impact émotionnel, ou en termes de pensée, qu'est-ce que ça va modifier. Et cette méthode-là, en fait, on la retrouve aujourd'hui, elle se démocratise sur plein de choses, parce qu'on fait de la préparation mentale, tu parlais de Ramos au théâtre, et tu parlais avec les sportifs, par exemple. C'est exactement la même chose qu'on va faire pour les préparations sur les sportifs de haut niveau, sur des grandes compétitions, où il y a vraiment une virtualisation, une projection virtuelle de comment va se passer la compétition, comment je vais me tenir, comment je vais me comporter. Exactement de la même manière qu'on pourrait décrire la posture, les mouvements, la perception sensorielle d'un personnage, notre personnage dans une partie. Tout ça, en fait, pour justement avoir cet effet d'immersion expérientielle et émotionnelle un peu plus puissante et qui va permettre en fait de se préparer et comme on l'a tous un petit peu témoigné, qui va permettre après, à posteriori, d'améliorer, d'augmenter en fait des potentiels, des capacités qu'on a et peut-être qu'on aurait eu plus de mal à augmenter sans justement passer par le biais du jeu de rôle. Et à ce moment-là, ça reste quand même dans quelque chose qui est très dirigé, très cadré et il y a un objectif, il y a un résultat à atteindre, un chemin à prendre. Et c'est vrai qu'il y a peu de digressions pour avoir en fait ce résultat-là. Mmh. C'est le blanc gros bilisque. Toujours, c'est le silence. C'est le silence. Tant qu'on intègre toutes ces informations. Non, j'ai presque envie de répondre, c'est pas faux. Ouais. Chaque fois, on fait. He's right, you know. Vous allez me réinviter, hein. Donc, ouais, le jeu de rôle peut-il aider à être bien dans sa peau? En tant que rôliste, MJ confirmé, est-ce que vous, justement, vous avez des techniques d'approche ou autre pour aller peut-être aller chercher quelqu'un d'un peu plus introverti autour de la table, justement ce joueur qui parle un petit peu moins, est-ce que vous avez justement que des techniques en particulier pour aller le chercher, pour l'amener plus dans le rôle finalement? Je pense aux personnes qui sont vraiment très timides et c'est un peu le même constat qu'on va reproduire quand on est en entreprise avec des groupes en fait. Hein. Quand il y a des gens qui sont un peu plus en retrait, il faut aller les chercher, Mais quand je dis faut aller les chercher, c'est il faut pas le faire avec des gros sabots. Alors, et toi, vas-y, dis-nous tout. Il y a vraiment un côté inclusif et offrir aussi, lui offrir vraiment un espace. Et c'est pas l'obliger à prendre un espace, mais c'est lui offrir un espace. Et après, la personne, elle va le prendre, elle va pas le prendre. À force de lui offrir en fait de l'espace, il y a forcément un moment donné où il y a quelque chose qui va se passer. Et il faut pas forcer. Il y a beaucoup de douceur à avoir avec les gens et pas d'obligation. Il faut savoir, c'est un peu la main de fer dans le gant de velours, hein. C'est un petit peu ça, c'est être très doux et avoir une intention et persévérer comme ça avec de la douceur pour avoir un résultat. Mmh. Voilà. En tout cas, c'est ma façon de faire. Bah, Ramos, tu voulais aussi. Exactement ce que j'avais pensé, exactement ça. T'as bien résumé. En ce qui est bizarre, alors, ce genre de personne, bon, je le rencontre souvent dans le cadre d'une initiation, donc d'un one shot. Alors, je fais pas de convention à part Au-delà du Dragon à Montpellier, donc là je me place vraiment dans le cadre d'une initiation, dans le cadre associatif, pas avec tout le brouhaha qu'il y a dans une convention. Donc c'est un one shot avec des prêts tirés. Déjà, donc de base, si j'ai bien préparé mon scénar, tous les persos sont indispensables à un moment ou à un autre de l'action. Pour rejoindre ce que disait Groby, il va y avoir forcément un moment où l'espace sera grand ouvert pour que ce perso-là soit mis en avant. Mmh. Et donc, que la joueuse ou le joueur soit invité à se mettre en avant ou à mettre son perso en avant. Ensuite, il y a deux choses qui sont primordiales pour moi. C'est la détection. C'est justement très vite repérer une personne comme ça. En général, ce n'est pas très compliqué, hein, bien entendu. Mmh. Même si on peut avoir des surprises, comme toujours avec les comportements humains. Pour moi, le plus gros écueil, c'est pas moi, c'est les autres joueurs, parce que il faut garantir le fait que les autres joueurs soient bienveillants, dans le bon sens, avec cette personne timide, si eux ne sont pas timides. La bienveillance peut être perçue pas comme une violence, évidemment une petite violence, mais la trop bonne intention justement de dire alors qu'est-ce que tu fais toi maintenant, forceur qui fait. Peut parfois bousculer quelqu'un et la renfermer dans sa coquille. Donc en fait souvent moi mon truc c'est surtout de prendre garde à cadrer les autres joueurs pour que cet espace de bienveillance soit toujours justement bienveillant. Là-dessus, j'hésite pas quand il le faut à être un peu dirigiste avec les autres joueurs quand je vois que avec tout la meilleure intention du monde, hein. C'est excessivement rare de voir des gens malveillants à une table de JDR avec un débutant sous prétexte qu'il est débutant, quoi. Ça, encore une fois, c'est des personnes qui apportent en à tout la cas, table pas au manoir du crime extérieur quand ils sont comme ça. Mais du coup, les cadrer pour justement qu'ils laissent tranquillement la personne s'exprimer. Et comme tu disais tout à l'heure, Olchad, être à l'écoute de voir si elle s'amuse. Parce que comme tu le disais, il y a des gens qui sont très timides. Mais qui s'amusent à juste être à la table. Et déjà, pour eux, c'est un défi. C'est un défi relevé. C'est pas forcément quelque chose de facile. Et d'être à la table et, entre guillemets, de regarder les autres jouer, de juste être là, c'est déjà beaucoup. Et si cette personne se contente de ça et s'amuse avec ça, moi, je la laisse tranquille. De mon côté, j'ai une autre expérience, pas tant par rapport aux gens. Enfin, disons que déjà, j'ai beaucoup plus d'expérience en tant que joueur qu'en tant que MJ. J'ai fait beaucoup plus de parties dans ma vie en tant que joueur. Et j'ai remarqué, souvent, en fait, il y a des choses qui arrivent, c'est que. Alors, ça va soit être dans des tables avec des joueurs que je connais pas, soit, comme tu disais, Ramos, dans des one-shots, des parties d'initiation. Donc, du coup, d'autant plus avec des joueurs que je ne connais pas généralement. C'est que je vais parfois rencontrer des personnes qui non pas vont avoir du mal à qui ne vont pas forcément se mettre en avant ou quoi que ce soit, mais qui vont avoir du mal à se faire entendre. C'est-à-dire c'est des joueurs qui vont essayer d'intervenir, mais c'est des joueurs qui y a d'autres joueurs qui vont parler plus fort qu'eux ou qui vont leur couper la parole ou qui vont dire ah moi je fais ça plus vite qu'eux. Et personnellement j'y ressens une très grande forme d'injustice en partie parce que j'ai été comme ça à une époque, j'ai eu plus tôt dans ma vie, j'étais dans un rapport social qui était beaucoup plus conflictuel. Et pour le coup, pour rebondir sur la thématique de ce soir, oui, le jeu de rôle m'a aidé pour le coup. Mais c'est vrai que j'ai tendance à souvent rappeler, par exemple, à dire j'essaie de mettre un petit peu en tant que joueur, presque en sorte de, pas en arbitre, mais en, en lien entre le MJ qui va pas forcément faire gaffe à ça et le joueur qui va avoir du mal à se faire entendre. Et je pense que c'est aussi une responsabilité qu'on a en tant que joueur expérimenté quand on est une table, c'est de mettre en avant les soit les joueurs débutants, soit les joueurs qui ont un peu plus de mal. Mais là encore, comme tu disais, même tous les deux vous disiez ça, sans forcément y aller avec violence, sans essayer de forcer le truc ou quoi que ce soit, puisqu'à partir du moment où une personne n'est pas à l'aise avec le contact social ou le registre même du contact dans le jeu de rôle, ça sert à rien de pousser le truc, parce qu'au contraire, à ce moment-là, la personne va se sentir même peut-être traumatisée de l'expérience en se disant bah, « du coup, j'ai foiré mon truc, j'ai foiré ma chance, et voilà. » Finalement... Il me semble quand même que dans ce cadre-là, la responsabilité du MJ est grande. Parce que c'est le MJ qui a entre guillemets, la vision d'au-dessus et qui, normalement, doit pouvoir voir la dynamique de la table. Les joueurs étant dans la table, ils ont moins cette vision. Un truc que j'utilise souvent, justement, c'est notamment de repérer des joueurs qui seraient des joueurs comme Greg, c'est-à-dire des personnes ressources, des joueurs expérimentés, bienveillants. Et dès qu'il y a un split dans la partie, je me démerde à ce que la personne timide soit avec la personne ressource. Ou chercher les affinités de joueur à joueur. Si cette personne connaît, par exemple, elle est très timide, mais elle est venue avec un ami ou une amie, ce qui arrive souvent, évidemment, dans ces cas-là, quand il y a des appareillages, je fais en sorte qu'ils soient ensemble. Ça permet de la mettre plus en confiance et de ce qu'elle se sente plus en sécurité, d'avoir plus de chances de s'exprimer. Donc, en fait, offrir un espace d'expression à ce joueur un peu plus timide, sans pour autant le forcer. Voilà, lui offrir ça, il le prend pas, on réessaye un peu plus tard, finalement, plus tard, scénario. Ok. Y a Cécile qui a posé une question aussi. Est-ce que très bonne le question. JDR vous a aidé à traverser une période difficile? Toute l'adolescence. Non, mais très, très honnêtement, j'étais pas mal dans ma peau, dans mon... Mais mes seuls amis et quasiment mes seules interactions sociales hors famille, c'était les potes avec qui je faisais du JDR. Mais à part ça, j'avais pas de gros soucis, j'avais pas de soucis particuliers à l'école avec les autres, j'avais des copains et tout ça. Mais mes seuls amis, les gens que je voyais tout le temps, avec qui je parlais tout le temps, c'était mes potes de JDR. Pareil. Pareil, quasiment. Je sais qu'aujourd'hui, les personnes qui sont... j'ai des très très bons amis qui sont de la famille, hein, que même j'ai de l'affection encore plus importante pour eux que pour des gens de ma famille. C'est des gens que j'ai rencontrés à cette période d'adolescence aussi, qui était un peu particulière moi personnellement dans l'histoire de vie. Et ça a été des gens qui m'étaient très très proches, et il y a quelque chose qui s'est fait, et on est resté en contact et jusqu'à toujours aujourd'hui. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir beaucoup une réflexion par rapport à tout ce qui est la gestion émotionnelle. Parce que c'est, Ramos, tu parlais de l'hypersensibilité, des choses comme ça. Donc, en tant que grand zèbre, ça, c'est des choses qu'on connaît. Donc, c'est vrai que moi, tout ce qui est gestion émotionnelle, le jeu de rôle, ça m'a vraiment, comme je dis, souvent à pas mal de personnes avec qui je parle, c'est que sur ce côté-là, ça m'a quasiment sauvé la vie d'une certaine manière, hein, sur mieux comprendre, mieux gérer mes émotions, tout ce qui était, quand Greg parlait de frustration. Comment arriver à exprimer ce qui est en train de se passer, comment justement appréhender ce phénomène de dissociation émotionnelle avec qu'est-ce qui se passe dans le jeu, qui appartient au jeu et qui a rien à voir avec la relation entre personnes où tout va bien. Toutes ces choses-là en fait liées à la gestion émotionnelle, moi, ça m'a beaucoup beaucoup aidé là-dessus. D'accord. Xen? Non, je dirais plus que c'est le jeu vidéo, mais j'étais pas dans des phases de mal ou quoi que ce soit. Moi, j'ai passé de recul aussi pour m'en rendre compte, hein, faut le dire. Mais je peux comprendre que certains ont pu avoir des expériences douloureuses et qu'avec le jeu de rôle, ça les a un peu sortis de la maison ou quelque chose comme ça. Et puis, ils ont pu vivre des bonnes aventures avec leurs potes. Voilà. Greg ? Moi, je suis dans un cas un peu similaire à Xen, dans le sens où mon vécu de rôliste est relativement récent. Ça va faire, honnêtement, de faire des parties fréquentes et des vraies parties de jeux de rôle, ça doit faire 6 ans, 7 ans que j'en fais, donc ça fait pas si longtemps que ça finalement. Je pense que j'ai une réflexion qui est plus en recul par rapport aux médias du jeu de rôle, dans le sens où, en général, les univers imaginaires, et là ça va faire plaisir à Ramos que je parle des univers imaginaires, les univers imaginaires m'ont beaucoup aidé, m'ont énormément aidé. et que ce soit le cinéma, que ce soit les bouquins, et que ce soit notamment, pour mon cas, les jeux vidéo. Effectivement, pendant mon adolescence, comme tout le monde, j'ai vécu une adolescence compliquée, j'ai vécu des épreuves dans mon adolescence qui ne m'ont pas forcément aidé, et je sais que les jeux vidéo m'ont d'abord servi de refuge, donc les univers imaginaires dans les jeux vidéo, pardon, m'ont beaucoup aidé à avoir un endroit safe, mentalement parlant, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Et un petit peu plus tard, j'ai commencé à jouer en ligne, notamment à Counter-Strike, qui, pour le coup, en termes de relationnel imaginaire, n'est pas fou, hein, on ne va pas se mentir. C'est cabriot. Voilà, voilà, tout à fait. Mais par contre, le fait de jouer en ligne m'a permis de rencontrer des gens, puisque je jouais en compétition, et la compétition m'a permis donc de jouer... avec, c'était pas Discord à l'époque, c'était TeamSpeak, je pense que s'il existe encore, mais de jouer avec des gens comme ça, Skype, ou ce genre de choses, et ensuite d'aller en LAN. Donc les LAN, c'était quand on se rassemble dans des hangars en vrai et qu'on fait des compétitions en vrai, mais à ce moment les gens on les rencontre en vrai. Ça m'a énormément aidé. Et le jeu de rôle pour moi est juste une suite logique de tout ça. Mais même s'il m'a pas aidé à traverser de périodes difficiles jusque là, de ces dernières années, je ne me rappelle pas que le jeu de rôle m'ait aidé vraiment à traverser une période difficile. Je sais qu'en général, par contre, je le ressens comme quelque chose qui m'a permis de beaucoup m'améliorer socialement, en tout cas dans mon rapport aux autres, dans ma communication, que ce soit au niveau même justement de la communication pure, que du vocabulaire, de la culture générale et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont... ont une valeur d'enrichissement dans le jeu de rôle qui servent énormément au quotidien, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles je pense que je n'arrêterai jamais de jouer au jeu de rôle. Mais, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Greg, parce que ça me fait sauter aux yeux, mais on se rend pas compte à quel point le jeu de rôle est quelque chose qui aide à la communication. Prenez l'exemple des conventions. Ben mine de rien, à convention, la base, c'est t'arrives, tu vas te retrouver avec 4, 5, 6 complets inconnus, et tu vas passer 1h30, 2h, 3h à parler avec eux, à avoir un langage commun, à coopérer le plus vite possible. C'est-à-dire, si tu regardes ça d'un point de vue comme si tu étais un DRH, c'est un truc de malade. Et c'est vraiment quelque chose de fort et d'inhérent au JDR. Parce que au-delà de ça, en fait, je me rends compte que si j'analyse ce que je vous ai dit, le JDR m'a sorti, mais on pourrait très bien dire que c'était juste le médium qui a fait que j'ai rencontré des copains. Et que c'est le fait que j'ai eu une bande de copains qui m'a aidé. Et ça, c'est le cas de très, très nombreuses activités, pas particulièrement le jeu de rôle. N'importe qui, ça peut être le club d'échecs, de bridge, de swing, de tout ce que tu veux. Parce que le jeu de rôle, comme beaucoup d'activités, là où il y a des clubs, des associations, ou même se réunir autour d'une table, bah ça réveille un instinct grégaire très basique, c'est qu'on a besoin d'avoir un petit noyau d'amis ou de relations, disons, avec qui on parle le même langage, qui là, en l'occurrence, c'est le langage du JDR. Mais moi, j'ai un peu pareil, hein, finalement, quand entre le collège et le lycée, j'ai déménagé. Donc, tu laisses tous tes potes derrière, et tu dois t'en refaire, et parfois même des gens qui se connaissent déjà. Donc c'est souvent très compliqué. Et au début, j'étais un petit peu seul dans mon coin. Et puis j'avais toujours un bouquin, une aide de jeu, un scénario Warhammer dans mon sac. Puis je le sortais pour le bouquiner. Et finalement, c'est les gens qui sont venus vers moi en disant « Ah, tu fais du jeu de rôle ?» Et voilà, je me suis recréé des amis. Et puis je suis vraiment rentré à fond dans le jeu de rôle. Et en même temps dans le théâtre, parce que j'ai découvert le théâtre aussi au lycée. Et donc du coup, j'ai fait ces deux choses en parallèle qui m'ont énormément aidé, hein, du coup, à me construire, hein, une fois que j'étais au lycée. Donc, et voilà. Le jeu de rôle, je dirais que c'est une activité aussi, un médium qui est relativement complet. Alors c'est vrai que ça ne m'avait pas forcément sauté aux yeux, même si je l'avais noté quelque part, parce que justement on est en visio et qu'on se voit. Et que c'est pas comme le jeu vidéo où quand on va être en partie, justement, on va avoir peut-être le casque, on va juste entendre la personne. Ouais. C'est qu'il y a à la fois tout ce qui est de l'ordre du verbal, mais on va rajouter, comme on est autour d'une table, à la différence des parties qu'on va avoir en virtuel, parce que ça a pas le même goût, hein, ce qui me concerne, même si c'est agréable aussi. C'est qu'en fait, il y a vraiment tout ce contact physique avec les personnes qui nous entourent. Il y a tout le langage paraverbal qu'on peut renvoyer. il y a aussi toute la connexion un petit peu énergétique, toute la connexion, l'ambiance, tout ce qui se dégage autour de la table. La bière et les pizzas. La bière, les pizzas, la franche rigolade. Hein. Voilà, tout ce qui est en fait aussi qui est complètement dans le décorum pour moi du jeu de rôle et qu'on peut avoir que quand on est en physique avec ces autres personnes et qui est aussi très apprenant sur comment aussi on va réagir, comment on se tient, quelle va être notre posture au-delà de simplement avoir un échange verbal. Et ça aussi, c'était super important. Ouais, ouais, tout à fait, t'as tout à fait raison. Alors, il y avait... Le blanc gros billet, voilà. Il y avait une question. J'essaye d'en avoir à chaque fois que j'interviens, mais j'y arrive pas, hein. C'est un vrai talent. Ouais, non, c'est le talent. Hein. Il y avait une question, donc, qui a été posée par Nundu. Je viens d'arriver, bon, tac. Donc, parler, en fin de compte, du JDR. À quel point les choses du JDR sont-elles vraiment spécifiques au JDR ? En comparaison justement avec le sport, la musique ou ce genre de choses. Alors déjà, par rapport au sport, il y a l'aspect non compétitif. Et il y a justement, il me semble, un aspect, le JDR est extrêmement démocratique ou dans le sens où n'importe qui peut faire du JDR. Il n'y a besoin d'aucune qualité, qu'elle soit physique ou mentale, particulière. Mmh. Ce qui fait qu'on peut se sentir facilement bien au JDR. Et plein de gens qui disent, alors combien de fois je l'ai entendu, soit autour d'une table de jeu de rôle, soit en impro, j'ai pas assez d'imagination, et qui s'aperçoivent que comme tout le monde, ils en ont beaucoup. C'est juste qu'ils ne savent pas s'en servir. Et que ça s'apprend, et que c'est c'est pas si compliqué que ça. Donc déjà, ça, c'est assez spécifique. Il y a ce dont je parlais tout à l'heure, cet aspect de coopération et de communication qui me semble assez spécifique au JDR, que même en théâtre, on ne le trouve pas de cette manière-là. Le théâtre t'apprend à t'exprimer en public, mais est-ce que le théâtre t'apprend vraiment à communiquer en peer-to-peer ? Je ne sais pas. Ça développe des qualités qui sont transposables, hein, bien entendu, mais est-ce que ça t'apprend comme te l'apprend le JDR où tu dois, toi, négocier avec un autre joueur ou avec le MJ telle ou telle chose directement ? C'est pas tout à fait pareil. Mmh. Et ensuite, y a justement, on en parlait, le développement de l'imaginaire. Et je vois pas beaucoup de médiums, à part peut-être la littérature qui développe, et le conte, parce que, évidemment, je suis prosélyte, qui développe l'imaginaire comme le développe le JDR. La construction intégrale sans support visuel, parfois un peu auditif pour l'aide, mais intégralement dans ta tête, d'une histoire co-construite, structurée et interprétée, pas beaucoup de médiums qui fournissent ça. Finalement, le JDR a est complet vis-à-vis de ce point de vue-là, un peu ce que disait Groby justement tout à l'heure, hein, on a cette complétitude vis-à-vis du JDR par rapport à tout ce qu'il apporte. Alors, je me pose quand même une question. Vas-y. Sur ce côté de complétude du JDR, parce que, étant donné qu'il fait appel à l'imaginaire, il fait aussi appel, du coup, à la réflexion obligatoire des joueurs. Et en soi, il n'a pas les avantages reposants, entre guillemets, d'un art narratif comme le cinéma. C'est sûr que c'est très exigeant en termes d'énergie, une partie voilà, du rôle. Voilà, c'est ça. Et du coup, en soi, parler de la complétude du jeu de rôle... C'est en oublier des éléments qui peuvent en être des défauts. Alors, pas vraiment des défauts en soi, mais forcément, comme tout élément, il a ses avantages et ses inconvénients. Et je ne sais pas comment finir cette phrase. Non, mais c'est vrai que du coup, ouais, il demande plus de travail, voilà. Finalement, que de simplement regarder un film. C'est plutôt quelque chose qui est au crédit du JDR qu'au crédit du cinéma. Hein. La coopération, ça risque de faire bondir beaucoup de gens, mais si tu y regardes bien, Désolé Greg, hein, tu vas. Mais le cinéma, en termes d'imagination, pour le spectateur, c'est l'art le plus bas. C'est l'art. Ben, c'est le pré-mâché absolu. Je vais jeter mon bureau. L'imaginaire, tu ne le fais pas. C'est le complet alors, opposé d'un bouquin, par exemple. Tout dépend encore une fois de quel cinéma on parle. De tous les cinémas. Quand tu as des réalisateurs qui. C'est pour ça que Tolkien, de son vivant, ne voulait pas que Le Seigneur des Anneaux soit adapté au cinéma. Parce que, et il a raison, et Peter Jackson l'a prouvé à son corps défendant, il disait, dès qu'un film apparaîtra, tous les gens ne verront plus que le Aragorn qu'on a vu au cinéma, que le paysage qu'on a vu au cinéma. Et maintenant, c'est vrai, même moi, qui ai pourtant lu depuis très longtemps, je pense à Aragorn, je vois Viggo Mortensen maintenant. Oui, mais là, tu parles d'un travail d'adaptation. Et en l'occurrence, une œuvre originale cinématographique est certes une représentation entre guillemets statique d'un imaginaire. Cela dit, il peut déboucher sur de la création imaginaire si le réalisateur a bien fait son travail à la base. Et là, je pense à Star Wars. Alors, je parle du Star Wars de George Lucas, hein, pas des trucs de Disney récents. Mais tout l'imaginaire qui a été créé autour de Star Wars suite au film, aux trois premiers films, ceux sortis dans les années 70-80, est extrêmement riche. 77, ouais. Ouais, voilà. C'est extrêmement riche parce que dans ces films, tu as sans arrêt des détails qui sont posés, que ce soit des noms, des phrases, des anecdotes, des costumes de personnages, des décors ou quoi que ce soit, qui te font comprendre que tu ne vois qu'un millionième d'un imaginaire. Et c'est, voilà, on va peut-être pas débattre des heures dessus, parce qu'on parle de jeux de rôle et pas de cinéma, mais c'est tout ça pour dire que, pour moi, le cinéma peut être un art qui peut être tout à fait à même d'apporter de la réflexion à l'imaginaire, pour peu que le réalisateur, l'auteur du film, en fait, donne la possibilité à ses spectateurs. Pour revenir un peu sur le JDR et pour faire le lien avec ce que vous venez de dire plutôt de ce côté-là. C'est trop fort. Parce que j'ai l'impression, en fait, Ramos, dans ce qu'il dit, c'est le côté, en fait, représentation imagée d'une idée, d'un concept qu'on va retrouver dans la littérature. En fait, comme on a quelque chose qui nous est amené pré-mâché, on peut plus on a plus de mal à pouvoir le modifier parce qu'on a déjà une représentation imagée du truc. Donc Aragorn, forcément, on pense à Viggo Mortensen. Frodon, bon ben voilà, c'est exactement la même chose, déjà vous. Ce qui va se passer, c'est que quand on a des idées, en fait, on se les fait par des images. C'est-à-dire qu'on ne pense pas avec des mots. Là, je vous laisserai aller chercher toutes les études à travers les neurosciences, à travers plein de choses. C'est-à-dire qu'on pense avec des images, avec des concepts en fait imagés. Les mots vont nous servir justement à retraduire ces concepts pour les préciser et justement les partager. Ce qui fait toute l'importance de la lecture, c'est important, vous devez lire, et surtout pendant le confinement, c'est qu'on va multiplier notre vocabulaire et en fait la précision qu'on va pouvoir amener pour décrire en fait toute la richesse et l'infini en fait de notre imaginaire. Et en ça, le JDR peut-il aider à être bien dans sa peau? C'est que ça permet aussi de cultiver son imaginaire, donc d'une certaine manière de développer et de préciser, d'augmenter nos capacités à décrire avec précision tout ce qu'on va pouvoir inventer et ressentir, et donc en un sens de mieux aussi nous connaître et de mieux pouvoir communiquer ce qu'on est en train de vivre. Et si on est plus précis et si on communique mieux ce qu'on est en train de vivre, la personne en face, elle a moins à mésinterpréter, donc c'est plus facile de comprendre, donc on communique mieux, donc in fine, on est mieux. Voilà, hein. Tu vois, on respecte le blanc. Hein. C'est presque sacré en fait. C'est une sorte de rituel, il y a une sacralisation. Mais du coup, ça doit être un peu embêtant dans tes parties. Si à chaque fois que le MJ dit une phrase, tu dois respecter 4 secondes de silence avant de. Tiens, on a respecté aussi pour toi, Ramos. Oui, parce que tout le monde pensait, mais qui est con? Alors, il y a quelqu'un qui disait que en littérature, l'immersion est solitaire et pas collective, hein, pour faire justement un petit peu le rappel c'est à aussi. Ce qui était dit alors avant. Le cinéma peut être vécu à plusieurs. Voilà, c'est ça, hein, alors que justement, il disait le jeu vidéo ou le cinéma, hein, positionné différemment. Donc Monsieur Jack, il disait, prenez l'exemple d'Harry Potter, hein, a priori dans les films, donc les couleurs de Serdex sont bleu et argent, alors que à la base dans les bouquins sont bleu et bronze, hein, et que même les plus grands fans maintenant n'arrivent plus à s'imaginer autre chose que du bleu et argent. C'est ce que je, à quoi j'ai répondu là encore, c'est un travail d'adaptation. Oui, oui, c'est ça. Hein. Je sais que tout à l'heure, justement, quand on discutait, hein, parler de Millennium, qui a eu deux adaptations, finalement, au cinéma, hein, qui sont vraiment totalement différentes. Le Seigneur des Anneaux aussi. Le Seigneur des Anneaux aussi, mais bon. Le Witcher. Mais il n'y avait y a que le premier, en fait, c'est pour ça, il n'y a pas eu les deux autres. Après, c'est vrai que par contre, la popularité d'un média va valider sa structure imaginaire. Et effectivement, tu parles du Seigneur des Anneaux. Bon, le Seigneur des Anneaux, c'est aujourd'hui dans l'idée, c'est un peu plus les films de Peter Jackson que ces films d'animation russes des années 80. Forcément. C'est ça. Ouais. Bon. Après, c'est vrai que certains ont connu finalement le Seigneur des Anneaux que par les films, avant les livres. Dragon Ball Evolution, alors là, ouais, là, c'est... Non, alors, on avait dit qu'on restait poli, hein, on va pas commencer à entrer dans les vulgarités, au bout d'un moment. Sinon, je vais être obligé de citer Marc Lévy, hein, au bout d'un moment, ça va bien se mettre. Non, mais Total Reaper qui dit, sur le côté solitaire, je ne suis pas spécialement d'accord. Bon, en général, tu n'es jamais rarement d'accord avec quelqu'un depuis le début, Total Reaper. Pour les jeux vidéo, par exemple, on peut le faire en stream. Ici, c'est une autre expérience, une lecture pareille. Un livre, ça se dévore seul et ça se partage aussi, bref. Et non, Data Reaper, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi non plus. Ah bon? Mais non, mais parler des jeux vidéo, il y a des jeux vidéo qui se partagent à plusieurs, soit parce qu'ils sont pensés pour, soit parce que tout simplement, effectivement, il y a de quoi échanger. Et il y en a d'autres où ça devient même compliqué de partager ça avec d'autres personnes parce qu'on peut avoir ressenti des choses très personnelles, en fait, voire intimes. Et évidemment, encore une fois, c'est du cas par cas, mais... J'ai envie de me lancer dans le sujet, mais on est sur une chaîne de jeux de rôle, donc c'est ça, mais je comprends. J'ai envie de te suivre, je vais plonger avec toi s'il faut. Non, mais voilà, on va éviter. Non, mais dans le jeu de rôle, c'est pareil, l'ingrès, quand tu prends deux joueurs, quel est leur. À la fin de la partie, sur toute la table, on demande à chacun quel est son meilleur moment de la partie. Il n'y en a pas forcément deux qui vont te donner les mêmes moments. C'est la même chose, parce que chacun vit son expérience de manière personnelle. On peut tous en parler et dire qu'on a passé globalement une bonne partie. Quel est le moment 5 étoiles de chacun? C'est la pizza. C'est ça. La pizza et chips. Voilà, c'est ça. C'est la sacralisation finalement de la table. Hein. dans le JDR aussi, l'imaginaire est propre à chacun. Oui. Oui, c'est un truc, c'est une des beautés justement de ce genre d'imaginaire, c'est qu'en fait tout le monde a un imaginaire commun, mais personne n'imagine la même chose. En conte, et quand on décrit quelque chose en jeu de rôle, que ce soit MJ ou PJ, la bonne description, elle est suffisamment précise pour que tout le monde comprenne, mais suffisamment floue pour qu'on n'impose pas un imaginaire à quelqu'un. Si on décrit une porte solide, tout le monde verra une porte solide, mais il y en aura un qui la verra en fer, l'autre en bois, et c'est pas grave, et c'est ça qui est bien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout le monde sait que c'est une porte et qu'elle est solide, et on va pouvoir agir en commun dessus. Alors, je dirais presque... Ah oui, bon, ça parle de stream et autres, donc voilà, là, c'est un jeu vidéo solo, ça met en scène, le JDR en stream est aussi différent. Alors, le JDR en stream est différent. Ça dépend. Enfin, ça dépend comment on l'aborde. Hein. Je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, hein, justement, il y a 15 jours, hein, si on avait une approche différente, hein, si on était en stream ou pas, vis-à-vis de l'écriture des scénarios. Quand on parle du stream, on parle du jeu de rôle des joueurs qui se rassemblent et publient leur partie en public, ou est-ce qu'on parle de jouer sur Roll20? Je pense qu'il parlait de la première, c'est-à-dire soit en direct sur Twitch et après diffusé sur YouTube. Je pense que ça ferait carrément la thématique d'une émission, hein, parce que l'air de rien, il y a pas mal de choses à réfléchir là-dessus aussi, ouais. sur est-ce que c'est encore du jeu de rôle finalement ? Est-ce que quand je vois par exemple ce que fait Julien Dutel avec Role and Play, qui lui et les comédiens slash joueurs qui le fait participer ont un rapport très, très relationnel avec la communauté, ils ont énormément de contacts avec la communauté et c'est très bien, mais de fait leur comportement en jeu de rôle est très influencé par ce que la communauté va leur dire, que ce soit parce que certains de ces joueurs slash comédiens n'avaient jamais fait de jeu de rôle avant, ou que ce soit parce que d'un seul coup il va y avoir des débats par rapport à tel ou tel comportement de jeu. Est-ce que c'est encore du jeu de rôle si on voit que les acteurs vont, enfin les du mal à les appeler des joueurs, mais si on voit que les joueurs sont autant influencés par leur communauté. Donc je pense que ce serait une bonne thématique. Gossette, si tu as envie de noter ça quelque part, hein, ça serait une bonne thématique pour un débat. C'est quelque chose qui est déjà revenu dans nos débats et on peut le noter parce que je pense que ça ferait un bon sujet d'émission. Ça revient, Maillard et ça va faire des vues, ce sera bien. Ouais. C'est fait, je note. Merci, Gossette. Alors, une expérience de JDR dans laquelle vous vous êtes surpris positivement par vos idées, votre chance, votre collaboration, question de civil. Mais toujours, tout le temps. Je suis génial. Non. Modeste aussi, oui, toujours. Oui, bien sûr. Oui, il y a une fois où, pour attirer l'attention d'un garde pour que les autres joueurs puissent passer, j'ai fait l'hélicoptère avec ma bite. Je sais pas si on peut parler de bonne expérience de jeu. Non. Non. Bon. Est-ce qu'on peut parler aussi de bonne idée ? Ça a fonctionné, donc voilà. Alors c'était in-game, hein, c'était pas dans le jeu que ça se passait. Merci de préciser. Voilà. Alors moi j'avoue, ma mémoire est structurée de telle façon que je ne retiens pas mes parties. Je les joue, je m'éclate à les jouer. Ça me fait pareil en impro, j'ai des tas de copains qui retiennent leurs impros d'il y a 10 ans, j'ai aucune idée de ce que j'ai joué il y a un mois. Je serais bien en peine de répondre à cette question. Moi je dirais, j'ai pas d'exemple précis de ce qu'est-ce qui s'est passé, mais sur toute une série de scénarios, ce qui était, où je trouvais que c'était pas mal en fait, a posteriori, où en fait j'avais pris pour habitude en fait justement que tous les autres joueurs, quand j'étais joueur, justement de les mettre en avant plus que moi, de me mettre en avant dans l'action en fait, et vraiment d'être en fait qu'est-ce que je peux leur amener comme support pour que eux brillent en fait sur les différents scénarios, et j'avais trouvé ça très très apprenant et je m'étais trouvé plutôt pas mal là-dedans parce que j'étais peut-être plus jeune aussi, un peu comme Greg, un peu agressif parfois, et donc c'était un peu un chemin de rédemption ou quoi, mais j'avais trouvé ça très très bien et très apprenant. Ok, ça marche. Merci. Vas-y, Xen. Pour ma part, c'était simple. Hein. C'était souvent dans des parties. Comme l'a dit Grobil, on laisse généralement les petits nouveaux, ceux qui découvrent le jeu de rôle, en avant. Et ça s'est passé pendant plusieurs semaines. On faisait les réunions de jeu de rôle et il s'attache à son personnage. Moi, j'avais aussi une adoration pour le mien. Et à un moment vient le fait qu'on doit décéder ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'on avait pris des décisions mauvaises à des moments, des bonnes à d'autres moments. Mais une décision qu'on a fait ensemble, c'était certainement le fait que son personnage, il soit sacralisé dans sa mort, quoi. Et ça, il avait beaucoup apprécié, même s'il était très déçu. Et je me rappelle, il a dit que c'était une bonne chose au moins, parce qu'il adorait ce perso. Il va faire un autre, hein, mais le fait qu'on ait au moins pensé à lui donner une fin décente, c'était quand même quelque chose qu'il a apprécié. Donc c'est ça. Moi, j'avais proposé comme idée justement de l'enterrer et de faire une prière aux bougies. Voilà, c'était simple. J'ai une fois, alors du coup plus sérieusement, dans un registre on va dire un peu plus narcissique en un sens, les quelques fois où j'ai apprécié des situations en jeu de rôle, c'était des parties où au bout d'un moment entre deux personnages se crée un roleplay qui est très crédible et très intéressant parce que les deux personnages commencent à échanger des choses assez profondes et que d'un seul coup on se rend compte que le MJ est en train de nous regarder et que le MJ à ce moment-là devient en quelque sorte spectateur de la partie et même en l'occurrence que le MJ nous avait fait une remarque après la partie en disant mais j'avais pas du tout prévu que ce que je fasse dans la partie ça vous amène à avoir ces réflexions. Et il nous a dit, mais je me suis régalé, c'était génial de vous pouvoir parler sur des concepts philosophico-religieux, on va dire, par rapport au contexte de la partie. J'entends bien, encore une fois, c'était intéressant parce que c'était dans le contexte de la partie. Et ouais, je pense qu'à ce moment-là, en tant que joueur, quand on fait plaisir au MJ, personnellement, j'en retire une certaine forme de fierté et de bonheur. Tu formais une dyade avec l'autre personne ? Comment ? Tu formais une dyade avec l'autre personne ? Ouais, c'est ça. Prendre la petite pique ou référence. Alors, Nindu qui demande, est-ce qu'il y a des parties que vous regrettez ? Ah oui, ça oui. Ah, bah, ça, oui. Je pense que... Ah, mais, en tant que MJ, ça c'est sûr. En tant que joueur, c'est aussi sûr. En MJ, en fait, on se met toujours porte à faux. C'est-à-dire vraiment, on se dit, bah, la partie c'était nul, les joueurs, ils vont jamais revenir. Quoi. Ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est la remise en question. Et eux, bah, ils n'ont pas eu le même point de vue que vous. Hein. Ils n'ont pas vu les gros rails que vous avez laissés comme ça et vous n'avez pas balayé devant votre porte. Et ça, ça arrive souvent que j'ai des regrets parce que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire autre chose, etc. Et en tant que joueur, bien sûr, j'ai pas mal de regrets en tant que joueur d'avoir mal joué un personnage pour qui n'était pas au plaisir du MJ. Un coucou à Cécile et voilà, il y a souvent des trucs comme ça peut arriver. On voudrait bien recommencer, refaire à zéro, mais c'est écrit noir sur blanc, on l'a déjà fait, on l'oubliera pas. Moi, toutes mes parties avec Benoît Ramos, ça a été un grand regret. Ce qui veut dire plaisante, même Benoît. Est-ce que c'est réciproque? Oh non, tu sais, moi les joueurs, ça va, ça vient. Tant qu'ils savent où est leur place, c'est bon. Ramos, tu l'aimes ou tu le quittes hein, c'est... oui. Pour ça que je fais que des one-shots. Avec des prêts-tirés, tu donnes le plus mauvais et tu as déjà choisi qui ira, celui-là qui mourra en premier. Alors, j'avais un perso de type voleur qui se barre si ça sent le rossi. Et du coup, ma fuite, et donc séparation du groupe, a permis de développer un autre axe du scénario et de sauver un innocent. Alors que sans cela, on aurait tué un pensant en pensant que c'était le méchant de l'histoire. Ah ouais. Bien. Anecdote intéressante. Et là, on se sent bien dans sa peau. Bah ouais, clairement. Étant très difficile... Ah non, bah ça reparle de film, hein, donc désolé, mais bon, voilà, on en a déjà que trop parlé. J'oubliais pas le vote du public demandé sur la partie de saisie hier sur une attaque d'un fantôme. Ah, ok. Donc ce que nous dit Gosfi, bon. Ok, ça marche. Le JDR peut-il aider à être bien sa peau? Oui. Bah, mais attention. Oui, mais ce n'est pas une thérapie en soi. C'est ça. C'est voilà, ça, tout simplement. Voilà une belle conclusion. Voilà, faut un cadre finalement spécifique. L'important, ben, je pense, c'est justement de communiquer entre les personnes. On a évoqué un moment justement, est-ce qu'on peut. On va pas finir là-dessus, mais on a évoqué, c'est vrai que la X-Card, hein, qui peut des fois. Qui peut être là finalement dans le défaut de quelqu'un de s'exprimer. Qui n'arriverait pas à trouver les mots. Hein. C'est vrai que personnellement, c'est pas un outil que j'ai l'habitude d'utiliser, hein, mais c'est pour en avoir discuté justement avec Groby ou avec d'autres, hein, c'est vrai que finalement, dans certains contextes, hein, c'est vrai que ça peut être très efficace. Alors, il me vient une petite réflexion. Je suis désolé, là, on approchait d'une conclusion qui m'est tombée dessus, qui est, je pense que c'est plus vrai maintenant qu'à une époque, parce que pour que le JDR t'aide à te sentir bien, il ne faut pas que la pratique soit en elle-même excluante. Jusqu'à assez récemment, être rôliste pouvait être un facteur excluant socialement, d'où le fait que le côté grégaire était très fort aussi. On se retrouve dans un entre-soi, le rejet est quelque chose qui te soude, c'est toujours quelque chose comme ça. Et Mireille Dumas, tu nous écoutes. Merci à toi. Ouf. Et maintenant que le JDR est au pire mainstream, au mieux tendance, le fait maintenant de se revendiquer rôliste peut même être un facteur socialisant, en fait. Ouais. Qui, et du coup, qu'une activité t'aide à être bien dans ta peau ou pas, ça dépend un peu aussi de la place de la dite activité dans la société. Parce que tu sais qu'en faisant cette activité, tu seras catégorisé socialement. Pour parler comme dans les séries américaines, si t'es le capitaine de l'équipe de foot, bon, bah, t'es mis en valeur. Si t'es le président du club d'échecs, t'es un gros naze. Ça aide quand même. Enfin, ça a son importance, je pense. Ouais, c'est clair. Hein. C'est vrai que... Bon. Pour revenir sur la X-Card, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, hein, beaucoup de vidéos en parlent. C'est un truc que je trouve très américain, anglophone, hein, c'est quelque chose d'assez assez présent. Pour être allé au Québec, je peux vous assurer que c'est quelque chose de très important, et même pratiquement c'est exposé à chaque début de partie. Vous pouvez utiliser la X-Card pour intervenir si quelque chose ne vous plaît pas. C'est parce qu'il y a des gens... Comme tu dis, à une époque, bah, les rôlistes, c'était plutôt des marginaux, quoi. C'était des mecs, déjà de base, on savait, les mecs étaient dans les caves pour certains, en train de jouer à un truc qui est satanique pour les puritains américains. Bon, ça, c'est pas totalement vrai, hein, mais bon. Et là, c'est devenu un loisir un peu plus, comme tu as dit, mainstream, avec la démocratie de ce loisir, de ce hobby. Et ça fait venir plus de gens, et justement, il y a des personnes qui sont attardées à ce jeu et qui voyaient des mecs de 30 ans, 30, 40 ans, qui jouaient à ça depuis le collège en potes, et ils se sont fait des clubs entre eux, etc. Ils arrivent et eux, ils ont une autre idée du jeu de rôle qui ne leur plaît pas. Et eux, ils ont une idée bien différente et souvent bien dure de ce que c'est la vie, et ça ne plaît pas aussi aux autres. Et c'est comme ça que ça s'est créé. Il y a beaucoup de conflits. Donc, vous m'entendez ? Oui, on t'entend toujours. On a perdu la vue, mais on t'entend. C'est ce qui est important. C'est ça quand tu parles de X-Card. Ah ouais, voilà, la censure. C'est une carte en action. Je voilà. Vois tous paralysés. Et pour finir, oui, tout simplement, le fait d'utiliser cette carte, moi je trouve important. Bon, ça coûte rien, mais c'est pas obligatoire. Si le MJ est normalement assez pas introverti et qui est capable d'accueillir n'importe qui à sa partie, normalement il n'y a pas à l'utiliser, il n'y a même pas besoin de le présenter, mais c'est quelque chose bien sûr que je considère que certains ont le droit de proposer. Voilà. Ah oui, tout à fait. Je te rejoins, hein, sur ça, c'est que tous les outils, tout ce qu'on peut avoir et qui permet justement de vraiment border le fait que tout le monde passe une bonne soirée, pour moi, ce serait un peu une hérésie de ne pas les utiliser, enfin, en tout cas, de ne pas les proposer. Encore une fois, dire il y a quelque chose qui est à disposition, on l'utilise, on ne l'utilise pas, ça ne coûte rien, ça n'engage en rien, si ce n'est de rajouter de la sécurité et le fait qu'on passe une bonne soirée. Et c'est plus problématique, ma réflexion, de dire les gens qui sont vraiment épidermiques par rapport à ça, en quoi c'est un problème pour eux de rajouter de la sécurité en fait pour les autres personnes. Et ça, c'est encore autre chose. C'est, voilà, peut-être justement pouvoir préserver leur microcosme, hein, leur idée, finalement, peut-être du JDR ou d'un JDR, finalement, hein, et que c'est quelque chose d'assez immuable, peut-être, pour eux. Et pas oublier qu'il y a une réflexion à faire autour de ce genre d'outils, parce que, comme beaucoup, j'ai l'impression, de nos époques, dès qu'on trouve un outil, on ne réfléchit plus à est-ce que cet outil est à 100% pertinent. On m'a fait remarquer, et j'ai trouvé ça à juste titre, il n'y a pas longtemps, que la X-Card, c'était bien, sauf que ça ne résout pas certains problèmes, du genre, si la personne n'ose pas s'exprimer, elle n'osera pas publiquement prendre la X-Card. Que ça aide certaines personnes, mais que c'est loin d'être une panacée, et qu'il y a d'autres outils à base de, je sais pas, de texto ou de quelque chose qui préserve l'anonymat de la personne en souffrance, qui peuvent être aussi réfléchis, parce que comme ça, à un moment, le MJ peut dire désolé, on me dit qu'il y a un problème, sans dire qui est la personne. Comme ça, ça la gêne pas en plus. Et voilà. Mais il y a des c'est tout un débat, mais il y a des réflexions à mener là-dessus. Et effectivement, je te rejoins, Groby. Je vois pas. C'est comme plein de trucs, on est contre, mais en quoi ça te gêne que ça soit en place ? Ça t'empêchera absolument pas, toi, de ne pas l'utiliser, ni de ne pas de continuer à jouer exactement comme tu veux. n'est pas obligé d'accepter les joueurs qui l'utilisent aussi. Mais bon, après, c'est leur côté aussi. Il faut que tu coupes ton son. Il faut que tu coupes ton son. C'est bon. Oui, non, pardon, c'est un petit problème de connectique. Ah. Vas-y, Xen. Oui, je disais, oui, mais t'es pas obligé de les accepter à ta table ou quelque chose comme ça, ceux qui utilisent ces outils. Mais après, c'est leur fermer des portes et je trouve ça désolant aussi. Mais bon, s'il y en a certains qui ne peuvent pas vivre avec des joueurs comme ça, tant bien leur face, ils peuvent rester entre eux. Moi, franchement, je suis dans le neutre. Hein. Bah, y a une catégorie de rôlistes qui reste assez élitiste. Hein. On oui. m'a rapporté alors ça, je peux te dire choses, que hein, oui. Qui sont parfois un petit peu choquantes. Moi, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais, c'est le cas de, je pense, de n'importe quelle activité. C'est le cas des happy few. Voilà, c'est le truc du happy few. Moi, j'étais là avant que ça soit la mode, et c'est comme ça que ça se passait, et c'est comme ça que ça doit se passer. Tu l'as dans tous les milieux, ça, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que du coup, tu ne réfléchis plus à ta pratique maintenant. Pour en avoir fait en club, et j'avais 16 ans, j'étais mineur, du coup. L'ambiance c'était quand même quelque chose, c'était il y a quand même là pratiquement peut-être 10 ans quoi, c'est une autre ambiance hein. Et quand j'y étais j'étais bien, mais disons qu'il y avait quand même cette hiérarchisation avec des MJ assez vénérables, à dire eux ils sont déjà parents etc, et toi t'arrives, tu viens de sortir du collège quoi, t'arrives au lycée, c'est vrai que t'as quand même des personnes qui ne veulent pas te voir traîner dans le coin, ils t'acceptent pas sur les parties en pensant que t'es pas assez mature pour ce genre de hobby. Voilà, c'est assez élitiste, je suis d'accord. Et c'est même aussi anti-débutant, c'est vraiment, certains ne veulent pas être débutant. Parce que même sans parler de l'âge, hein, juste le fait que t'es débutant, bah non, tu viendras pas à notre table. Il y en a certains qui pensent comme ça. Et ça, il y a des conflits, hein, parce que là, on peut parler encore d'aventure. Hein. Il y a beaucoup de conflits entre les personnes qui n'aiment pas ce qui s'est passé avec ça et d'autres qui disent que c'est une bonne chose pour le jeu de rôle. Là, on pourrait parler pratiquement. Là, on pourrait partir pour du un jeu de rôle. Ouais. Mais je pense encore une fois, je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a certaines choses qu'on va peut-être éventuellement reprocher au jeu de rôle, mais qu'il faut prendre un peu de recul et que personnellement. Quand j'entends parler des joueurs qui disent tu viens pas à notre table parce que t'es débutant, j'entends pas parler de rôlistes, j'entends parler de gros cons. Et tout à fait. Ça parce que moi, étant quand j'étais plus jeune, j'étais pas du tout sportif. Et n'étant pas sportif, j'étais au mieux le dernier à être choisi pour l'équipe de foot. Au pire, on me mettait quasiment de côté. La situation est la même, mais dans un registre différent. Et le problème n'est venu ni du fait que ce soit du sport ni du jeu de rôle, mais du fait que les mecs étaient cons, c'est tout. C'est ça. Après, il y a des traditions dans des pratiques qui on va dire, empêchent ça le plus possible. Ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'intégration de débutants timides, où tu t'appuies sur un joueur expérimenté pour pouvoir intégrer quelqu'un qui ne l'est pas, c'est la pratique de base dans n'importe quel club d'arts martiaux. Dans n'importe quel club d'arts martiaux, la base, c'est les avancés, vous allez bosser avec les débutants. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Du coup, ben, je pense qu'on va conclure pour ce soir, pour cette émission. Hein. Donc, le JDR peut-il aider à être bien dans sa peau? Oui, mais ça dépend du cadre également, finalement. Hein. Et c'était oui, pas une ça dépend. En soi. Hein, voilà, c'est ça. Ce n'est pas une thérapie en soi. Mais en tout cas, oui. Et quand Groby se tait, on se tait. Ça n'a pas été évident pour moi de conclure. Oui, de conclure, ça dure. Voilà. Dans tous les cas, bah, je vais déjà vous remercier tous les quatre pour avoir participé. Hein. C'était vraiment très intéressant. Merci également au chat hein, qui a été très actif. Hein. Merci à ceux qui sont déjà partis. Hein. Merci à Cécile, Monsieur Jack, Popa, Jean-Mobi, Gosfi, voilà. Également hein, Gossette qui était là, Nundu. Enfin, j'espère que j'ai pas oublié grand monde en tout cas. Merci à tous d'avoir été là. Et du coup, bah, on vous dit à bientôt sur la petite poche JDR pour un autre débat. Alors, je ne sais pas si Gossed, si tu veux bah, nous dire si tu as du JDR, là, bientôt sur ta chaîne, hein, sur la petite poche JDR. Tu veux en mettre ton micro Alors, merci. Alors, merci, je tiens à remercier tout la le monde. La voix de Dieu. J'étais voilà. caché. La régie est là. Et bah. Bah, du JDR, le prochain, normalement, ce sera dans 2 semaines avec Terreur sur l'Orient Express, la suite de la campagne. Et voilà. Ouais. Sinon, ce sera du jeu jeudi avec toi, Olshad. Non, bah voilà. non, parce que jeudi, non. Ah, mais oui, c'est vrai. J'avais jeudi, oublié. Jeudi, je suis sur Star Wars. Eh bien, la tristesse, alors je serai tout seul à jouer. Non, parce que c'est moi qui héberge la partie. Donc, serai tout seul à jouer devant mon. Eh bien, j'irai jouer. Je ferai un. Alors, on fera un live Minecraft normalement demain. Voilà. Demain, pour les constructeurs, voilà. Pour les constructeurs. Demain, vous aurez du jeu vidéo sur la petite voilà, avec GoSed, du Minecraft. C'est ça. Vous pourrez voir leur avancée. Ils ont un gros serveur où ils font pas mal de choses. Ouais. C'est assez sympa à voir. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Et puis, je te laisse conclure. Allez, bonne soirée à tous. Merci à tous d'avoir été là. Et à bientôt sur la petite poche JDR. À bientôt. Merci.